déçu de tout ça ou est-ce que tu es content? Je suis dégoûté à la fin. C'est le début de la solution. À partir de là, c'est que tu es addictif au sexe. Et l'addiction au sexe, c'est une réalité. C'est une chose qui existe chez des gens qui, effectivement, ont besoin en permanence d'aller se prouver que je ne sais pas quoi. En tout cas, du passage à l'acte, c'est pulsionnel. C'est quelque chose qui n'est pas dans la vraie relation. C'est une pulsion sexuelle. Oui. Et tu as souvi des pulsions sexuelles. Alors, évidemment. Excuse-moi de vous couper, Doc. Mais coupe-moi. Vas-y, coupe-le, il s'en fout. Ouais, non, par respect, non. Allez, je t'écoute, Doc. On le respecte pas. Non, mais voilà, à partir de là, pas le moment où tu souffres de cette situation, il devient absolument essentiel d'aller voir, faire une psychothérapie. Pourquoi, finalement, je ne peux pas maîtriser mes pulsions sexuelles? C'est ça, la réalité. Et j'imagine que dans ton couple, ça ne va pas être simple, forcément, parce que ta femme va le savoir un jour, peut-être qu'elle ne va pas apprécier, elle va peut-être même te larguer. Ouais. Voilà. Et en plus, tu n'es pas heureux. Et tu vas être papa. Voilà. Ouais, tu vas être papa. Oui, arrête tes conneries. Donc voilà, Achille, tu as un bon psychothérapeute et tu dis, voilà, ou sexologue, j'ai un problème, j'ai vraiment une addiction au sexe et je suis en. Je réponds à mes pulsions sans réfléchir. Faut que tu ailles voir quelqu'un. C'est pas grave. Faut que tu ailles voir quelqu'un, Rachid. C'est ça la solution à ton problème. Bien évidemment, vraiment. Parce qu'en fait, tu ne maîtrises pas tes pulsions. Tu vas apprendre à les maîtriser. Bah, ou alors, il le soit, dit. Que ce soit, genre, je me tape des vieilles ou je me tape des films de cul, quoi. Oui, mais tu peux te taper ce que tu veux, on s'en fout. C'est une addiction au sexe. Tu peux te taper des chèvres aussi, si tu veux. Non, tarte aux pommes, à la limite. C'est une façon de dire, c'est que l'addiction au sexe, finalement, il te faut des objets. Et les objets, là, sont des êtres humains, donc ce n'est pas satisfaisant. D'accord? Ouais, c'est la vérité, c'est ça. Bah, Rachid, voilà. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. Tu vas un bon psychothérapeute et ça va t'aider. Ah ouais, c'est... Aux États-Unis, il y a des cliniques pour soigner l'addiction au sexe. Voilà. Merci Rachid et bon courage à toi. Et je voulais remercier quand même Mélissa là, qui a été avec nous depuis 20h. Mélissa, t'as assuré. Hein. Franchement, tu m'as même dragué à un moment donné. j'ai cru que t'étais sérieuse. Hein, Mélissa. Qui te dit que je l'étais ou pas? Je sais pas, non. En tout cas, comme je ne vais pas pouvoir te satisfaire là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un god Léo. Et non, parce que je sais qu'il nous en reste quelques-uns là dans le bureau. T'imagines le mec, il la chauffe à mort, il la drague et il dit, écoute, maintenant, bah non, finalement, je peux pas, je t'envoie un god. En attendant. Elle va te coller une barbe dans la tête. Attends, hein. Non, elle va être contente. Mélissa, est-ce que t'es contente? Si tu mets ta photo dessus, pourquoi pas? Ah bon, alors tu sais quoi? Non, et sans déconner, sans vanne, tu sais quoi, on prend une petite photo, je mettrai mon portrait dessus, d'accord? Ok, moi, il n'y a pas de souci. Bah, je vais lancer un business, hein, des godes moulés sur ma teuf. Et comme ça, Karel aura la tête dans le cul. Le god Karel, putain, sans déconner. C'est interdit ta vanne. Non, tu mets ta photo sur le god. Tu mets ta photo sur le god. Bien sûr. Ouais, mais elle va pas se fourrer la photo, enfin. Oh. On va s'en charger, en tout cas. Mélissa, je te fais des gros bisous, ma chérie. On est en retard. Gros bisous. Salut Mélissa. Salut. Et tu raccroches pas. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau. On va retrouver les filles. Bien sûr, Marion Anso. Bonsoir. Salut. Ça va, Chomas Gone? Pourquoi? Quel rapport? Je rêve. À l'attaque, on y va? Écoute, on est à fond, nous. Hein. Mais je sais, putain, vous êtes en pleine forme, vous êtes belles comme tout. C'est la rentrée pour vous aussi, les filles. Ouais, et je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, le god Karel. Mais tu vois, est-ce que t'en veux un? Moulé sur mon sexe. Hein. On s'organise ou pas? Allez, écoute. C'est quoi? On va faire venir quelqu'un pour le faire. Hein. Non, mais là, je suis en train de parler au producteur, on est déjà sur le coup, là. On y va et on se retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. À demain. Salut les filles, ciao. Salut. Ciao, à demain. Dans le système radiophonique, les membres du Night Show sont considérés comme particulièrement talentueux. À Fun Radio, les deux filles qui animent cette émission de 22h à minuit forment une unité d'élite, appelée Marion et Anso pour les intimes. Voici leur histoire. Tous les soirs, 22h minuit. Marion et Anso. Night Show. J'adore cette intro. Bonsoir les Burrs et bienvenue sur Fun Radio. Ouais. Bonsoir mon équipe, bonsoir Manso. Comment va tout le monde, ça va ou pas? Bonsoir. Vous êtes dans le Night Show, 22h minuit, c'est du dimanche au jeudi, on est en direct et on espère que la première journée de cours, parce que c'était officiellement la journée, la rentrée aujourd'hui là pour vous, ouais. On espère que ça s'est bien passé, que vous avez kiffé, que vous vous mariez avec vos potos, que vos profs sont sympas et si vous bossez, bah on espère que tout se passe bien aussi. Voilà. Oui, alors vous n'êtes pas en reste. Comment ça va toi Bichette? Oh bah écoute, moi ça va, je suis sur un petit début d'amputation. Ah oui. Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'était la journée des loses pour nous, déjà moi je me suis rétamée dans la rue parce qu'il pleuvait en fait, hein, sur Paris tout à l'heure. Donc je me suis cassé la gueule, je me suis fait archi mal. Et alors Anso, elle va perdre son pied en fait. Mais hein, non, mais en fait j'ai eu une ampoule parce que j'ai eu des nouvelles chaussures pour mon anniversaire qui sont très chouettes. Mais j'ai eu une ampoule, donc je suis allée à la pharmacie ce matin pour m'acheter les, tu sais, je veux pas dire de marque, mais ces pansements, les Compides là. Oui. C'est trop bien. Et ben en fait quand t'es diabétique t'as pas le droit. Parce que en fait l'infection du pied est très fréquente. Et donc du coup faut vachement surveiller. Donc j'ai une pharmacienne qui est hyper angoissante quoi. Mais ouais, c'est-à-dire qu'elle lui a dit non mais il faut absolument que vous reveniez me voir demain, non, surveillez ça, ça va pas être possible. Montrez-moi votre ampoule quand même. J'ai été obligée de lui montrer mon pied quoi, la honte. Ah, mais fais attention Babur, parce que avec un pied en moins tu serais quand même vachement moins bonne. Je veux dire. Donc je risque pas de me trouver un mec quoi, c'est sûr. Exactement. Bon, en tout cas ce soir les bichons, on va parler paranormal avec vous. On va ouvrir un énorme dossier tous ensemble. On va se faire flipper. Appelez-nous d'ailleurs hein, si vous avez des histoires à raconter, si vous communiquez avec les morts. Peut-être que vous avez eu une relation sexuelle avec des extraterrestres. Possible. En tout cas, on prend tout et n'importe quoi. Sachez qu'on aura un médium ce soir, oui, qui peut communiquer avec les morts, qui va venir nous en parler. Et puis on a trouvé des histoires, mais de ouf. Mais vraiment de ouf. On s'est fait flipper un peu tout l'après-midi avec l'équipe. Oui. Qui nous font vraiment flipper. Donc appelez-nous dès maintenant, on ouvre le grand dossier paranormal tous ensemble. 01 42 48 5000. Pour le son, on va s'écouter Carla's Dream. Tu connais Anso, ce dos? Ah ouais, j'adore. Quelle tuerie. J'adore. On aura aussi le dernier The Chainsmokers sur Fun là. Oh là là, mais plus ça va, plus je les aime. Hein. Moi aussi. Et si jamais vous voulez choisir un son, c'est tout à fait possible. Vous appelez le standard 01 42 48 5000. On n'est pas fermé. Vous nous proposez un titre. Bim, Thibaut à l'arrêt le met. Bim, on s'éclate. Voilà. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir Marion. Bonsoir Anso. Comment ça va les filles? Bien et toi? Écoutez, vous le savez, moi tout ce qui fait, enfin tout ce qui paranormal, etc. Ça me fait vraiment flipper. Bah, et en fait, on a vraiment ce point commun dans toute l'équipe. Hein. Moi ça va. Alors moi j'y crois, voilà, titre perso j'y crois, tout ce qui est genre sorcellerie, les démons, les esprits, tout ça j'y crois à fond. Et sorcellerie, c'est pas pareil, hein. On va pas parler sorcellerie ce soir. Ouais, mais bon voilà, tout ce qui est un petit peu, ouais, les pouvoirs en général et le surnaturel, le paranormal. Attendez, parce que Amir croit qu'on va parler magie blanche ce soir. Qu'il faut lui expliquer quand même. Hein. Mais non, mais Amir, il y aura pas de poupée vaudou, il y aura pas de tout ça. Oui, mais quelque part c'est dans la même famille. Ouais, si tu veux Amir. Du coup, alors c'est hyper chelou parce qu'en fait j'avais trouvé une application tout à l'heure, j'avais ouvert la page, j'avais trouvé un site que j'avais noté, tout ça, et le truc a disparu totalement. Ouais, bah alors ça c'est l'esprit de la flémardise. Ah, je rêve. Non mais je m'en souviens, je l'ai bossé, donc je m'en souviens. Mais par contre le site a disparu. Bah raconte, c'est quoi? Ça, les gars, je vous le dis, ça pue l'appli inventée. Vas-y, on t'écoute Amir. Non, non, non. Alors c'est une appli qui va sortir d'ici décembre, décembre là, hein, ouais, décembre 2016. Ouais. Et en fait, vous mettez votre nom de famille et ça vous trouve si dans votre descendance il y a eu des. Pourquoi tu rigoles toi là-bas dans le coin là? Il y a eu des quoi? Si dans ça vous trouve si dans votre descendance il y a eu des gens qui sont morts. Ça veut rien dire déjà. La descendance, c'est les enfants qu'on va avoir. Non, non, pas les descendances, mais dans tes ascendants, pardon. Ah ouais. S'il y a eu des personnes qui sont morts. Mais attends, mais mon grand-père est mort et je le sais. C'est un pic de merde. C'est long. Vas-y, vas-y. Donc, dans l'ascendance, oui. S'il y a eu des esprits. À quoi ça sert de que je parle? Bah, si, on veut savoir maintenant. Vas-y. Ah, qui sont morts à cause de trucs paranormaux. Ah, bah, ça change tout, c'est vachement plus intéressant. Ouais. Ça s'appelle comment alors? Bah, en fait, il n'y a pas de nom encore, ça va sortir en dessous. Ah ouais. Non, en vrai, il y avait un nom, mais je ne l'ai pas noté. Non, mais mec, il est génial, non, j'adore ce mec. C'est allemand. C'est mais allemand. Et les gens, souviens, ils ont envie de se renseigner que c'est allemand. Bah, il faut leur prendre. Eh bien, le jour où ça sort, oui, eh bien, sachez que je serai le premier à vous le dire. Ah, d'accord. Vraiment. Bon, on va essayer de mener l'enquête et de vous retrouver le nom de cette appli parce que pour le coup, ça peut être pas mal. Oui, c'est ça, vrai que c'est intéressant. Nom de famille, bim, phénomène paranormal dans la famille. Merci, bon, Amir Le Feignant. Bonsoir Thibaut à l'AREA. Coucou. Ça va Thibaut? Ouais, ça va super bien. Dans la vie, des fois, on passe à côté de belles choses et on s'y arrête pas. Bah, moi, je suis m'arrêté à côté de vous et maintenant, je suis heureux. là là là. Mais qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'adore ces petites phrases toutes faites là. Si j'adore. Ça va, tu flippes pas trop toi pour ce soir? Si, franchement, si, en plus j'ai une histoire de ouf à vous raconter tout à l'heure. Eh bah garde-la au chaud, mon pote. Bonsoir Enzo du Standard. Salut tout le monde. Ça va toi? Ouais, super, j'étais au téléphone avec le médium tout à l'heure. Oui. Et il m'a dit plein de surprises sur mon avenir, je suis content. Oui, parce que c'est un médium qui voit en plus l'avenir. Alors on va pas faire la voyance ce soir parce que ça va être trop, hein. Mais on le refera venir une fois là pour de la voyance. Mais tout à l'heure, moi je veux qu'il nous raconte ses expériences quand il a pu parler avec les morts. Ça c'est intéressant quand même. Il a des grosses histoires en plus. Et sachez que dans cette équipe, on a tous vécu des trucs incroyables. Il y a notamment Yannick du Standard qui a vécu un truc. Moi, ça me glace. Ouais, moi aussi, c'est un truc. Il la racontera tout à l'heure parce que c'est flippant. Présentez-nous, les gars, le premier auditeur de ce soir, s'il vous plaît. Alors, c'est Thibaut. Il a 20 ans et il habite près d'Orléans. Ouais. Et il a su qu'on parlait de paranormal ce soir. D'accord. Et c'est un adepte. Bonsoir, Thibaut. Salut, l'équipe. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Bah, oui, nickel. Alors, dis-nous, pourquoi tu nous appelles, toi? Donc c'est parce que j'arrive à rentrer en contact avec les morts. À toi aussi? Oui. D'accord. Et comment tu fais? Par l'intermédiaire du plateau Ouija. Ah oui. Le fameux. Moi je suis pas très fan de ça, mais bon, il paraît que ça marche. Je l'ai fait une fois. Alors si vous connaissez pas, c'est le plateau où il y a toutes les lettres de l'alphabet et des chiffres aussi. Hein. Il y a un verre au milieu et et les esprits nous parlent grâce au mouvement du verre. D'accord. Et du coup, faudrait qu'on se le tente. Toi, t'as tout le matos pour le faire. Moi, je peux venir sur Paris mercredi. Ah oui, tu veux venir Alors, je sais pas, dans l'émission, moi, ça me chauffe pas trop parce que je pense qu'on va tous vouloir en faire des caisses. J'ai un peu peur que, tu vois, ce soit fake. Ouais. J'aimerais bien que tu le viennes, mais tu vois, on le fasse hors antenne et on se filme, si ça te dit. Ah bah, y a pas de souci. Ah bah, cool. Bah écoute, t'es le bienvenu. Hein, mercredi, on va se trouver un petit moment dans la journée. Du coup, on essaye pas ce soir? Le Ouija, non, pas en direct. Ouais, c'est nul. Bah non, mais le Ouija, c'est trop compliqué à mettre en place, mon cher. On n'a pas toute la nuit, tu vois. Ah non, il y a vraiment rien à mettre en place pour faire le Ouija. Ah, c'est dommage, j'avais vraiment envie d'essayer le Ouija aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, on verra si on a le temps, Amir, pour te faire plaisir entre 2-3 idées sur la magie blanche. On pourra peut-être y venir. Bah en tout cas, mon pote, pas de soucis, tu viens et on se fait une séance ensemble mercredi. On filmera tout pour la chaîne YouTube, ok? Y a pas de soucis. On t'embrasse, Thibaut, prépare-nous ça bien, hein. Ok. Bisous. Mais moi, ça m'a vraiment flippé, hein, ces trucs. Hein. Moi aussi, parce que j'ai vraiment vécu des trucs et du coup, j'y crois, mais tellement. Bon, juste avant d'ouvrir avec vous, en tout cas, le dossier paranormal, on voulait vous parler d'un truc avec Marion parce qu'on a trouvé la vidéo d'un jeune garçon qui a avalé le jouet de son chien. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, oui, ce truc. Oui. C'est assez énorme. Du coup, il a avalé le truc et t'as le son, Thibaut? Ouais, vas-y, passe-le. Voilà. Ouais, ça, c'est dans sa gorge. Ouais. Donc du coup, à chaque fois qu'il respire, donc du coup, je sais pas, il a dû se faire opérer, on lui a enlevé le jouet du chien. Mais on s'est dit, est-ce que vous avez déjà avalé quelque chose d'improbable, vous aussi? Eh bah, ben, appelez-nous, 01 42 48 5000. Moi, j'ai pas avalé un truc improbable, mais il m'est arrivé un truc improbable. Parce qu'il faut le dire, quand j'étais petite, j'étais quand même sacrément Ah oui, je te confirme, ouais. Bougez pas, je vous raconte juste après Soprano. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol s'allume, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me Le Night Show, on est en direct, il est 22h13. Ne bougez pas parce que dans quelques minutes, on va ouvrir le grand dossier paranormal. Alors le paranormal, ça comprend quoi ? Eh bien tout ce qui est esprit, rencontre avec les esprits, le fait que vous ayez pu parler avec des morts, peut-être les extraterrestres aussi, enfin toutes les expériences étranges et paranormales, donc qui ne sont pas dans le normal, hein, pour faire un petit peu de champ lexical. Voilà, venez nous raconter la 01 42 48 5000 si vous n'avez pas envie de passer à l'antenne, ça marche aussi avec le hashtag Le Night Show, on va vous lire ce soir. Évidemment, et vous pouvez passer en anonyme. Alors pourquoi, je sais pas, mais si vous avez envie, vous pouvez passer en anonyme. Pas de souci. Et puis on voulait parler avec vous de cette vidéo de ce jeune garçon américain qui a avalé le jouet du chien, parce que c'est quand même très normal, hein, de jouer avec le jouet des animaux. Et donc du coup, ça donnait que il couinait en fait, hein, quand il était à l'hôpital. Oui. Et on s'est posé cette question, est-ce que vous avez déjà vous avalé un objet complètement improbable ? Et je vous disais que moi petite, il m'était arrivé un truc stupide. Raconte. Parce qu'en fait, quand j'étais en grande section, j'ai fait une fleur pour ma maman pour la fête des mères. Et les pétales étaient en grains de café. Oui. Et donc j'admirais mon œuvre et je me suis dit mais ce grain de café, je suis sûre que ça sent quelque chose. Donc je l'ai approché de mon nez. Tu l'as aspiré. Et quand ça sentait rien. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je me le suis enfoncé hyper loin dans le nez. Mais donc non. Ma mère était obligée de m'emmener aux urgences et tout ça. Et j'avais hyper mal. Et puis, ce grain de café, il s'avère qu'il était verni. Donc de toute façon, il sentait rien. Mais attends, mais comment ils te l'ont sorti du nez ? Simplement avec une espèce d'énorme pince à épiler. Et puis, ils ont réussi à me le sortir, tu vois. D'accord. Voilà, c'était pour vous dire que j'étais quand même sacrément teubée. Intéressant. Moi aussi, j'ai avalé quelque chose. Donc, si vous voulez connaître toutes les aventures de l'équipe, ne bougez pas. 01 42 48 5000. Vous voulez savoir maintenant ou pas ? Ça dépend. On va attendre. Non. Allez, on attend. C'est quelque chose de vivant, je vous en dis pas plus. Non. Il faut donner envie aux gens de rester. Bougez pas, reviens tout de suite sur Fun. Dégueu. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Mercredi au cinéma. Tomorrowland présente The Elixir of Life. La compilation 3 CD mixée par les meilleurs DJ. Armin van Buuren, Axwell Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike, Lost Frequencies, Martin Garrix et Yves V. Tomorrowland, The Elixir of Life. Disponible maintenant. Plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube Marion Yanso. Merci. On est même 110 000 les gars. Ah faut être précis. Écoutez Marion et Anso le Night Show. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Et d'ailleurs on va tout vous filmer là tout à l'heure sur la spéciale paranormale pour la chaîne YouTube Marion et Anso. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez en plus le visuel, je pense qu'on va flipper. Et là, on parlait des trucs chelous qu'on a avalés. Alors, Anso, toi, tu t'es mis du café dans le nez. Ouais, un grain de café, pas non plus de la poudre. C'est ridicule. Moi, oui, c'est vrai que c'est encore plus con. Qui sniffe du café. Moi, j'ai avalé quelque chose quand j'étais petite. Je dormais la bouche ouverte et je me suis réveillée. J'avais une mouche, mais énorme, dans la bouche. Je l'ai avalée. Ah oui, mais ça, c'est arrivé à pas mal de gens, ça, non ? Bon, bah, t'as qu'à dire que mon anecdote, elle est pourrie. Non, pas du tout, Babel. Mais il me semble qu'il y a eu une étude qui a été faite qui dit qu'on avale je sais plus combien d'araignées dans une vie, quoi. Oui, ouais, il paraît. Combien, Yannick ? 7. 7 dans une vie ? Ouais. Bah, j'en ai dit vachement plus, moi. Moi aussi, mais je pense que ça comprend pas tous les petits moucherons et tout. Mais déjà, 7 araignées, c'est beaucoup, hein. Ouais, des gens qui ont compté ça ? Oui. Il y en a qui sont conteurs d'araignées. Il y a un mec qui dort et l'autre il regarde. C'est vraiment des tarbats. Pendant toute sa vie, quoi. Non, mais c'est flippant, on a des araignées dans le ventre, quoi. C'est dégueulasse. Ouais, mais après, je pense avec tout ce qui se passe dans le ventre, ça se disperse. Bah, j'espère, oui, ça se reproduit pas, Anso. C'est marrant de toi. T'sais, on n'a pas un vieux clan d'araignées dans le bide, mais bon. Quand même, c'est ça. 42, 48, 5000 pour nous dire si vous aussi vous avez déjà avalé des trucs improbables. Il y a Tristan à Metz qui est avec nous. Bonsoir, Tristan. Salut les filles, salut la team, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Bra ! Alors Tristan, dis-nous tout, est-ce que toi aussi tu as fait le débile comme ça et t'as avalé un truc un peu chelou ? Eh ben moi ça rejoint un peu l'idée d'Anso, c'est j'ai fait le débile en cours d'art plastique, j'ai vu mon tube de gouache dans ma trousse et je me suis dit tiens, si je goûtais la gouache ? Oh non ! Sauf que comme un con, j'ai avalé tout le tube et donc du coup ben... Forcément, c'est toxique, donc du coup, la chiasse pendant 15 jours. Ah, mais ça, c'est vraiment un mot horrible. Ah, ça, c'est horrible. Surtout, ça devait être ignoble à avaler, le goût, enfin, je sais pas. Et quelle couleur ? Ah, bah, ça, je me souviens plus très bien, je crois que c'était bleu. Parce que t'as l'air con. Mais oui, tu devais en avoir partout sur la langue et tout. Ouais, tout à fait, sur les dents, sur partout. D'accord, et qu'est-ce qu'a fait le prof ? Le prof, il l'a pas vu tout de suite, mais après, à la fin du cours, il est venu me voir, il m'a fait « ça va, t'as pas l'air d'être trop bien et tout, parce que du coup, je toussais, etc., je sais que c'était pas bon. » Mais attends, parce que Tristan, à la limite, t'as envie de goûter, bon, tu te dis « bon, tiens, si je goûtais le goût que ça, t'en goûtes un petit peu, mais tu vides pas le tube dans ta gorge. » Oui, ouais, c'est être logique, mais bon. T'étais jeune. Oui, voilà, on va dire ça, c'est des erreurs de jeunesse. Cela dit, faites attention, il faut surtout pas faire de paris ou de trucs comme ça avec ça, parce que c'est vraiment dangereux, c'est toxique. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Donc, mais t'avais quel âge, Tristan ? Je devais avoir 14 ans. Ah, quand même. Ah oui ! Ah oui, t'étais pas si jeune que ça. Ah quand même, parce que tu vois, moi, le grain de café dans le nez, j'avais quand même, je sais pas, 5 ans, tu vois, à la limite. Ah ouais. À 14 ans, quand même. Ah ouais, non. Et depuis, t'as jamais rien goûté ? Tout va bien ? Non. D'accord. Du coup, ça m'a passé l'envie. D'accord, bichon. Bon, bah écoute, tant mieux, reste comme ça, hein. On oublie tout ce qui est gouache. D'accord ? On t'embrasse, Tristan, merci de nous avoir appelés. Plein de bisous, salut l'équipe, salut l'équipe. Attends, j'ai une dernière question. Juste, quand tu es allé aux toilettes, c'est par sortie bleue ? Non, c'est par sortie bleue, quand même pas. Ça aurait pu, hein. Ouais. Ouais, voilà. Ça aurait pu, mais bon. Ça aurait été économique. Tristan, on t'embrasse, bisous. Allez, bisous l'équipe. Ciao, il y a Marc aussi à Avignon. Bonsoir Marc. Hello girls. Hello boy. Comment ça va? Ça va. Alors raconte-nous. Moi, c'est il y a quelques années, j'étais plus jeune, j'étais au lycée, j'ai avalé la clé de mon cadenas. Oh non. Comment t'as fait ça? Ben en fait, je faisais le con avec mes clés. Si tu veux, on était une bande de potes et si tu veux, il y avait un espace vert où on se rejoignait et tout. Et moi, j'étais couché et je jouais avec mes clés. Et à un moment donné, la clé s'est détachée et elle a atterri dans ma bouche. Mais comment elle a pu atterrir dans ta bouche? Attends, c'était une clé à tête chercheuse? Non, bah en fait, si tu veux, l'anneau était cassé et si tu veux, à force de faire tourner, et avec la force centrifuge, bah, elle s'est barrée et elle a atterri dans ma bouche et comme elle est allée profonde, je n'ai pas eu le choix que de l'avaler. Ah ouais. Carrément quoi. Ah mais donc du coup, toi, en plus d'avaler des trucs chelous, t'as pas de bol. C'est ça. Et alors, la question qu'on est obligé de te poser, est-ce que tu as ressorti la clé par voie naturelle? Ben, je suppose, sinon ça veut dire que depuis l'âge de 17 ans, donc j'en ai 27 depuis 10 ans, je me balade avec une clé dans le système digestif. Ah, c'est possible, hein? Mais t'as pas vérifié? Oui. Moi, je me souviens que mon oncle, quand il était petit, il avait avalé plein de pièces de je sais plus combien de francs. Et du coup, ma grand-mère. Excuse-moi. Donc, c'est toute ta famille, en fait. Mais pourquoi il avait fait ça? Je sais pas, il était petit. D'accord. On a tous une enfance chelou. Et donc, du coup, il avait avalé plein de pièces, mais genre des pièces genre de 10 francs à l'époque. Ça valait de l'argent, quoi. Donc, du coup, ma grand-mère, elle était obligée de regarder dans ses selles. Tu vois, elle regardait, elle fouillait, quoi. Ah, mais c'est horrible. Mais vous avez. T'as une famille chelou, quoi. C'est l'humiliation. Non, mais attends, il y a ta mamie qui fouillait dans les selles de son mec. Mais du coup, il a. Non, pas de son mec, de son fils. Et il a fait ses selles où? Par terre? Et non. Non, il faisait dans un pot, j'imagine. Et puis, elle fouillait, quoi. Parce qu'il fallait que ça peut être dangereux, en fait, d'avoir quelque chose, d'avaler quelque chose qui ressort pas. Donc, au-delà de récupérer de l'argent, il fallait qu'elle soit sûre que ça reste pas dans son corps, quoi. Donc du coup Marc, tu l'as évacué comme ça dans le secret. Non, j'espère. Non mais c'est des toutes petites clés de cadenas, c'est pas des grosses clés de maison, c'est des vraiment toutes petites clés. Bah, donc ça a dû passer inaperçu. J'imagine que c'est pas les clés de château quoi. Ça ferait mal. Ok, bon bah écoute Bichon, toi et ta clé, on va t'embrasser bien fort. Hein. Eh ben, je vous embrasse aussi les filles. Salut. Bisous. Un gros bisou. On va se faire un petit tour d'équipe parce que oui, avec Anso, on s'est un peu humilié là, mais je suis sûre que vous aussi, les garçons, est-ce que vous avez déjà avalé un truc ou alors est-ce que vous êtes coincé quelque chose dans le corps? Allez, Amir. Moi, un coton-tige. D'accord. Et dans la bouche? Ouais, bah oui. Mais quoi, t'avais plus de brosse à dents? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si, n'importe quoi. En fait, j'avais les amygdales qui avaient enflé. Et je sais pas, j'avais un truc sur l'amygdale. Donc, du coup, j'ai pris un coton-tige pour toucher mon amygdale. Oh. Et ça a glissé. Ouais. Oh là là. Et du coup, bah, j'ai avalé. Et à un moment donné, t'étais en panique. Tu dis, vas-y, j'avale. T'as sauvé. Mon Dieu. Cette équipe de ouin-ouin, c'est un truc de ouf. Jamais, ne le faites jamais, c'est hyper dangereux. Thibaut à l'arrière, est-ce que t'en as une pour nous? Ouais, bah en fait, moi, quand j'étais petit, genre, et que je perdais hobby, pour pas qu'on me les pique, je les avalais. Non mais c'est stupide Thibaut, parce que même si tu les avales, tu les perds quand même du coup. Bah ouais, un petit coup de laxatif, c'est bon, tu les retrouves. Alors, mais non mais en plus c'est dangereux une bille, c'est gros quand même. Non, non mais c'était pas des calots non plus. D'accord. Ouais mais quand même, faut que ça passe. Ouais. Et Enzo, standard? Moi j'ai avalé un billet de 5 euros. D'accord, donc l'autre il s'est pris pour une tirelire, voilà. C'est magnifique, on est très bien. Mais comment tu peux avaler un billet de 5? Bah en fait quand j'étais petit, je l'avais mis en boule et je l'avais mangé, je l'avalais. Ouais, mais t'avais aucune notion de l'argent? Pas du tout. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. C'est ça, mec, hein, t'inquiète pas. N'importe quoi. On a Sophie à Gardanne qui est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir, salut les filles, salut l'équipe. Vous allez bien? Oui, ça va, et toi, quel joli accent. Merci, j'ai une gestue de moi. Parce que Marion a essayé de nous faire l'accent. Non, en fait, je suis partie sur un autre accent. Je suis pas partie sur le sud, mais alors je peux pas te dire où je suis partie. Tu vois? T'es partie nulle part. Mais en tout cas, toi, t'as un superbe accent, chérie. Merci. Raconte-nous, qu'est-ce que tu t'es coincé? Alors moi, ce que je me suis coincé, c'est pas insolite, mais dans quoi, oui. En fait, je mangeais des beignets de calamar chez mes parents. Ouais. Et il se trouve que dans le seul beignet qu'il y avait dans tout le paquet, il y avait une arête. D'accord. Et elle était pour moi. Mais c'est pas possible, parce que dans le calamar, il n'y a pas d'arête. Eh ben apparemment, oui, je suis la preuve vivante. C'est un mollusque. C'est vrai, il n'y a pas de... Bah, il doit y avoir des exceptions. Voilà, attends, parce que je raconterai pas ça dans le vent. Ma mère a dû me faire la méthode Emlich pour me le sortir. C'est-à-dire, c'est quoi cette méthode? C'est appuyé sur au niveau du ventre, entre les côtes, en fait, et l'estomac. Ah oui, et c'est ça qu'on connaît. Ouais. Voilà. Et du coup, tu l'as craché? Et du coup, je l'ai craché. C'était une belle arête ou un cartilage, mais c'était un petit truc qu'il y avait dans. D'accord. Oh, le calamar. Voilà, mais moi j'ai peut-être une solution, parce que tu sais, parfois pour faire des calamars, quand ils sont pas frais, quand c'est en mode produit comme ça, ils mélangent plein de sortes de poissons et ils te font un truc un peu élastique et c'est pas du vrai calamar, c'est une reproduction. Et ben peut-être et que c'était ça. Ouais, ah, c'est ça. Et vu que je suis Pierre Richard, forcément c'est tombé sur moi. Bon bah c'est pas grave, au moins t'en es sortie vivante. Hein. Non mais oui, ça peut être hyper dangereux. Hein. Les arêtes, ça peut performer. Mais de toute façon, moi j'ai failli m'étouffer avec un. Tu sais, le gras du jambon là. Ah ouais. J'ai failli m'étouffer avec le gras du jambon. Ah bah Thibaut à l'arrière aussi. Ouais. On a pas de Noël moi en plus. Ouais, bah moi aussi. Un soir de Noël aussi. Et tiens. Bah putain, qu'est-ce qui nous arrive Thibaut? Coïncidence. Mais pourquoi? Parce que c'est finalement. Parce que le gras du jambon, tu peux pas trop le mâcher en fait. Tu peux pas le couper. Donc du coup, quand tu l'avales, bah t'as un bout qui reste en dehors et puis l'autre bout il est déjà à l'intérieur de toi. Donc t'essayes. Oui Amir. Ça vous est jamais arrivé genre de manger un truc et que vous mangez tellement trop vite que ça reste bloqué dans la gorge? Si. Genre ça fait une boule et c'est bloqué genre une heure? Si. Ah non, pas une heure quand même. Non, peut-être pas une heure. Ah d'accord, bon bah chez moi ça fait une heure en tout cas. Deux secondes, mais pas une heure. Et genre, je buvais de l'eau, j'étais à un repas de famille, je buvais de l'eau et l'eau elle était bloquée et ça ressortait. Oh. Ah oui, l'eau ressortait. Ouais. Ah oui, du coup, il fallait expliquer à tout le monde pourquoi j'arrête de manger quoi. Oh, c'est horrible. Ça devait être hyper sympa ce dîner. Ouais, bah du coup, je dis bon bah je vais aux toilettes, je vais venir, j'arrive. Et t'as mis? Bah en fait, je me mettais des coups dans le ventre là, pour que ça. Ouais. Et ça va tellement vite que ça sort comme une bite, c'est genre. Ah, et t'as réussi à faire le truc. Ouais, maintenant j'y arrive. D'accord. On apprend des choses les uns sur les autres, c'est fou. Ouais. Mais c'est fou comme tout le monde s'est déjà coincé quelque chose. Hein. Ouais, bah tant que c'est. Ouais. Bah oui. Va au bout, Amir, je t'en supplie. Il est tôt. Sophie, merci de nous avoir appelé, ma belle. Par contre, les filles, c'est une joke qui m'a dit de vous le dire. Vous avez parlé de paranormal, et moi, je suis un peu médium, un peu beaucoup même, et il m'est arrivé un truc pas mal, quoi. Ah bah raconte, oui. En fait, à 8 ans, j'ai parlé à ma mère de l'affaire du pull au vert rouge. Ah oui. Et je lui ai dit tout en détail. Attends, où se trouvait. Sophie, il faut que tu rappelles l'histoire de l'affaire du pull au vert rouge, parce que c'était il y a très très longtemps. Je connais pas. Oui. En fait, c'est une petite fille qui s'est faite enlever sur Marseille. Mm-hmm. Malheureusement, elle s'est faite assassiner. Et on a enlevé on a accusé la mauvaise personne qu'on a guillotinée. Ouais, c'est ça, c'était les derniers guillotinés en France, il me semble. C'est ça, l'avant-dernier. Ouais. Et j'ai dit à ma mère, j'ai montré à ma mère où on a retrouvé la petite fille, et où elle s'est faite enlever. Et j'ai dit, maman, c'est pas le monsieur qui a été en prison. Non, mais t'avais quel âge? Voilà, 8 ans. 8 ans et t'étais déjà médium, quoi? Oui. Et alors ta mère, elle a fait quoi? Elle t'a emmenée à la police ou... Non, elle a rien su. Elle a pas su quoi faire. Elle m'a déjà emmenée parce que j'avais quelqu'un de la famille qui habitait sur Auriol, sur le chemin où on a retrouvé la petite fille. Et ouais. Je lui ai dit, c'est la maman. Ah ouais. Et après, elle m'a menée sur Marseille. Et j'ai dit, bah, c'est ici qu'on a pris la petite fille, avec les mots d'une petite de 8 ans. D'accord. Elle a tellement été désemparée qu'elle a dit, on va jamais la croire, ma fille, en fait. Eh ben, franchement, Sophie, reste là, parce que tout à l'heure, on en aura plein des histoires comme ça. Tu vas te sentir moins seule. D'accord. C'est un truc de fou, quand même, Sophie. Ouais. Hein. Franchement. Et tu continues à voir des trucs? Oui. Des fois, ça me fait très peur. Bon, tu sais quoi, reste avec nous. Moi, j'ai envie qu'on reprenne Sophie tout à l'heure pendant le dossier paranormal. Ça te va, Sophie? Ça me va, pas de soucis. T'avais rien d'autre à faire? T'avais pas des trucs chelous à avaler là dans les prochaines heures? Non, j'ai juste un peu de famille à la maison, donc si on peut me rappeler d'un petit peu de temps. Oui, on se rappelle. Pas de soucis. Voilà, merci beaucoup. Tu vois ça avec le standard, on te reprend tout à l'heure, ma chérie, d'accord? Ok, merci beaucoup. On t'embrasse, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et franchement, dans la catégorie des gens qui ont avalé des trucs, il y a des gens sur Twitter qui ont avalé, beaucoup de gens qui ont avalé des stylos. Des bouchons de stylos. Ah oui, parce que là, c'est quand même plus crédible. Des bouchons de stylos, c'est vrai qu'en cours, ouais, ça peut arriver. Ça peut être dangereux d'ailleurs, c'est gros. Hein. C'est pointu, on a autre chose. C'est pour ça qu'il y a un petit trou sur le capuchon maintenant. Oui, c'est ça. Depuis un moment. Pourquoi? Bah, c'est pour pas que tu t'étouffes. Ah. Parce que s'il y a un trou, l'air, il peut quand même passer. D'accord. Là, eh ouais. Raconte, Amir, on a autre chose sur Twitter ou pas? Ouais. Alors, il y a Sourcils d'Amir, ils disent j'ai déjà avalé un de mes poils, les sourcils sont tellement gros que j'ai failli m'étouffer. C'est pas moi, c'est vraiment sur Twitter. Ouais. Hâte, Sourcils d'Amir. Sian Isili qui dit, moi le pire truc que j'ai avalé c'est du gel. Ah ouais. Adungo, en mangeant un morceau de ruche avec du miel, et bah il y avait des larves, et donc larves mélangées avec du miel. Ah, quelle horreur. Dégueu. Léo 64, un pote a avalé une pile, elle a dû partir aux urgences et ils ont été la chercher dans l'estomac par la bouche. Ah oui, c'est très dangereux d'avaler une pile. Tu m'étonnes. DJ 83, moi en CE2 j'avais avalé un bouchon sans déconner, je vous raconte la suite, appelez-moi. Ouais. Bah, j'imagine que c'était dans le ventre après, de toute façon. Oui. Ouais. Et Maxence 21, j'ai déjà essayé d'avaler le gut de ma mère. Mais c'est pas passé. Oh non. T'as bien fait de le lire celui-là. Hein, ouais. C'est bien de finir là-dessus en plus. Bah, bon. C'est Maxence. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le fun, un incroyable talent qui va débarquer. Mais on n'a pas demandé à Pépère. Est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on demande à Pépère? Oh non, je suis jamais sûr, mais bon. Bah pourquoi pas? Bon, Pépère, est-ce que tu t'es déjà coincé quelque chose quelque part? Bah Pépère, lui, s'est déjà retrouvé avec un concombre dans la gorge. D'accord, et comment c'est possible? Bah en fait, mémé a s'est goûté avec le concombre, et quand je l'ai sucé dans la nénette, et bah j'en ai dans la gorge. Il parle bien maintenant, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà quoi? La nénette. Dans la nénette. Ouais, et parfois même quand je touchais Tchouch. Ouais. Bah, je peux mettre ma main dans sa nénette. D'accord. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le fun d'un incroyable talent qui va débarquer. Tchouch, c'est génial. On se retrouve juste après DJ Snake sur Fun Radio et Justin Bieber. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Heaven's a heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up. Stay Lost débarque tout à l'heure dans le Night Show. Ce sera aux alentours de 23h30. Et justement, j'ai une info sur les Pokémon. Ça s'est passé à Pau. En fait, il y a un homme qui s'est fait arrêter avec un couteau et deux battes de baseball. Vous savez pourquoi ou pas? Non, non. Le gars, il voulait effrayer les chasseurs de Pokémon parce qu'il avait peur d'être pris pour un Pokémon. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce look pour être pris pour un Pokémon comme ça? Bah ouais. Donc là, clairement, maintenant, il y a des mecs qui chassent eux-mêmes des Pokémon. Mais c'est un truc de ouf! Mais Marion, est-ce qu'il y a maintenant des mecs qui chassent des mecs qui chassent des mecs qui chassent des Pokémon? Je vais te casser la gueule. Fun. Un incroyable talent. Bon, si vous avez du talent, venez donc nous le dire. Vous nous envoyez un mail marion@funradio.fr. Si vous avez les 5 oui de la part de toute l'équipe du Night Show, vous venez tout frais payer dans les studios de Fun Radio, passer une soirée avec nous. Ça, c'est cool. Sympa, sympa. Et montrer votre talent autrement que par biais téléphonique. Parlons tous. Ce soir, c'est Martin de Lyon. Bonsoir, Martin. Salut, Lyon. Bonsoir. Salut, ici. Salut, Marion. Salut, Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Bra. Comment ça va, Martin? Super, super. Bon, première fois à l'antenne pour toi? Ouais, première fois. Ça va, t'es détente, t'es bien? Non, je t'avoue que je stresse un peu. Ah mais faut pas Martin, on a la cool entre poteaux. Toi, c'est quoi ton talent? Alors moi, mon talent, si on peut appeler ça comme ça, c'est de... j'écris des poèmes en fait. Ah, j'adore. J'adore les poètes. Mm-hmm. Et est-ce que ça a déjà marché Martin? Est-ce que tu as déjà écrit des poèmes pour des filles? Non, mais j'en ai écrit après avoir rencontré des filles. Ah, ça d'accord. T'inspire. D'accord, tu fais beaucoup de textes autour de l'amour, quoi. Non, en fait, je passe un peu sur tout, donc j'aime bien écrire tout ce qui est sérieux, donc des poèmes sérieux, pas des trucs évasifs, on va dire. Bon, et ben écoute, si t'as un extrait d'un poème que tu as écrit, on est tout ouïe. Pas de soucis. Donc c'est un poème sur l'équipe. Ah, cool. Ah, cool. Vas-y. Deux filles, une team, une même motivation, une dance floor, des défis, bien plus qu'une amie. Une équipe à tout casser. Et des auditeurs fidèles, bien mieux que le Red Bull, le Night Show donne des ailes. Des mots sur un papier, écrits avec le cœur, de 10h à minuit, 2h de bonheur, 2h de détente, de confession et de franchise, 2h de fun, de récits, d'attention et de surprise. Marion et ses quiz, Anso et ses exploits, et bien sûr, comme tous les soirs, on est tous contents d'être là. Ah, moi je trouve ça hyper mignon. Hein. C'est mignon, c'est pas mal, il y a de la rime. Ça rime pas toujours. Oh, hein, ça va. Non, ça rime pas toujours, non, je suis d'accord. Mais non. C'est pas le meilleur que j'ai. Ah, t'as un autre extrait pour nous? Oui. Bah vas-y. C'est sur le temps en fait. Le temps. Le temps, mais tu veux dire le temps qui passe ou le temps qu'il fait dans le ciel? La globalité, le temps. Ah, d'accord. Tout ce qui est temps, quoi. On y va. C'est ça. Le temps qui passe est un enfant qui court, il saute, trébuche, mais continue sa lancée. Sur un boulevard sans fin, un aller sans retour, son pied jauni en bûche, il est libre, le sait. Ce temps, comparable aux bourgeons de nos jours, s'épanouit et fleurit sur une ligne de vie. On le cueille parfois comme une pomme d'amour, mais tel un vieux tableau, elle est sobre et ternie. Le temps est une légende mythique, souvent mentionnée, mais jamais on ne le voit. C'est une excuse, une tromperie classique. Tu riras au nez si tu ne suis pas sa voix. Alerte info, d'après une étude scientifique américaine, il semblerait que nous subissions un moment terrible. Pas bien ça. Non, c'est pas cool. Ça c'est Marion, c'est sûr. Quoi? Marion, non, c'est toi. Marion. Chétane. Mais quoi? Chétane. Alors, j'ai traduit le sentiment de beaucoup de gens, je pense. C'est très très bien écrit, c'est très joli. Mais moi, trop de bons sentiments, au bout d'un moment, ça va... Mais c'est pas du bon sentiment, c'est joli, mais toi la poésie, tout ce qui est 17e siècle, ça te passe au dessus. Hein. Ça parlait de quoi? Résume-nous. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit sur le temps? Ça parlait du temps, le temps qui passe et qui laisse des gens trépasser comme ça derrière lui. Ouais. Non mais pour le coup, j'avoue que t'as un truc, t'écris bien. Parce que franchement, on dirait un truc écrit par un vrai poète. Donc ça, c'est très bien. Après, moi, je suis pas hyper sensible à ça. Je trouve que c'est beaucoup de blabla, de beaux mots et tout. J'ai pas forcément accroché. Mais j'avoue, il y a du talent. Mais voilà. Cela dit, Martin, il faut te dire un truc aussi, c'est que Marion, c'est la moins romantique de ce duo. Hein. Ouais. Ah. Alors que moi, je suis vachement touchée. Ouais. D'accord. Mais c'est pas mal, mon pote. Je t'assure. Franchement, j'ai bien aimé. Merci. Je trouve qu'il y a une patte. Et est-ce que tu veux en faire ton métier? Tu veux écrire plus tard ou pas? Je vais faire un bac L déjà. Ouais. Au niveau de littérature, ouais, ça m'intéresse vraiment. Mais après, en faire mon métier, je sais pas. D'accord. Non, mais tu pourrais écrire des livres, des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas tout le temps de la rime, mais au moins, en tout cas, tu maîtrises le vocabulaire, les mots sont tes amis. C'est ça. Bon. Tu sais comment ça se passe, Bichon? Il te faut les 5 oui de l'équipe pour venir tout frais payer dans les studios. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le poème sur l'équipe. Je vais me baser sur celui-ci parce que c'est là où on peut voir ta créativité, tu vois. Merci. T'es prêt? Allez, jugement. Enzo. C'est avec joie que je te dis non. Oh non. Thibaut. Moi j'aime bien les rimes croisées, donc je dis oui. Amir. Moi je trouve que franchement il fallait oser le faire. Donc juste pour ça, oui. Enzo. Moi tu m'as touché petit chat, donc je dis oui. Marion. Bon bah Enzo a fait le sale boulot, donc moi je dis oui. Non mais honnêtement c'est bien et je reconnais qu'il y a du talent. Voilà, après tu sais, la poésie faut y être sensible ou pas. C'est-à-dire que tu peux pas toucher tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire l'unanimité. Mais en tout cas, t'as réussi à avoir 4 personnes dans cette équipe, c'est déjà pas mal. Et tu pourras repasser surtout. Ouais, ok, pas de soucis. Ça va, Bichon, t'es pas trop déçu? Non, ça va, merci. Mais oh, non, écoute. Il est bon, le Bichon, on va lui envoyer un pack fun et tout. On est toujours poteau. Bah ouais, c'est un nom. Bon, bah voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Martin, on t'embrasse, mon chat. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés, bonne continuation. Bisous à toi. Bisous, ciao, ciao. Bisous. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant, sur Fun Radio, nous allons parler poésie. Non, pas poésie. Non, évidemment, nous n'allons pas parler poésie. Mais nous allons parler... de choses qui font peur. Ah oui, des choses étranges. On va ouvrir avec vous un dossier paranormal. Appelez-nous 01 42 48 5000. On a un auditeur qui nous a appelé. Il lui arrive des histoires de fous et il veut nous en parler. On a même plein d'auditeurs. Donc appelez-nous, venez nous raconter des histoires. Vous qui êtes dans votre lit comme ça, un petit peu dans le noir, eh ben, on va s'amuser à se faire peur. Moi je suis une grosse flippée de tout ça en plus. Et moi je crois à fond à tout ça. Et moi il m'est arrivé un truc de ouf et là c'est pas une vanne. Eh ben restez avec nous, on se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Solo Night Show, c'est maintenant, il est 22h43, on est en direct et on va, ça y est, enfin ouvrir le dossier spécial paranormal. On vous l'avait promis, on l'a fait, on l'a bossé, alors je vous cache pas que vous avez été hyper nombreux à nous écrire, à nous appeler, à nous envoyer des mails sur marionyanso@funradio.fr. Continuez parce que là, toutes vos expériences sont bonnes à prendre. Tout à l'heure, on aura un médium à l'antenne qui va nous raconter comment il parle avec les morts. On va jouer ensemble aussi. Alors, je vous dis pas qu'on fera un Ouija dans l'émission parce que déjà, on flippe tous et que surtout, je pense que... J'ai peur qu'on en rajoute, mais on pourra se tester des choses tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et puis, surtout, moi, je vous ai trouvé des histoires de malades. Alors déjà, je propose, avant qu'on parle des histoires les plus oufs, qu'on se fasse un petit tour de table dans l'équipe. On en avait déjà parlé en saison 1, mais on va les redire parce que c'est pas grave, moi j'aime bien les entendre. Peut-être qu'il y a eu du nouveau cet été. Anso, est-ce que tu as vécu une histoire paranormale, un truc de ouf? Raconte-nous. Pas spécialement, mais je l'avais déjà raconté dans une précédente émission. En fait, j'avais déjà fait un Ouija quand j'étais beaucoup plus jeune avec des potes. Ouais. Et on était rentrés en contact avec Barbe Bleue. Alors Barbe Bleue, c'est une espèce d'énorme légende. Hein. C'était un homme qui avait plein de femmes et qui les a toutes tuées, il me semble. Mm-hmm. Et voilà. Alors après, le truc du Ouija, c'est que t'as toujours peur d'avoir un pote qui pousse le verre un peu trop pour les autres, tu vois. Ouais, tu sais jamais si c'est fake ou pas. Mais alors moi, je peux vous dire, et Amir pourra confirmer parce qu'il était là, on a vécu une expérience de Ouija qui était vraie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement on a appelé les esprits, donc les esprits ont répondu. Et en fait, c'était dans le Gers, dans une vieille maison. A priori, les esprits étaient vraiment énervés puisque, bah, sans raison, à un moment donné, on a quand même un chargeur de Mac qui a pris feu. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que le mec s'est énervé, l'esprit, je pense. Hein. Et à un moment donné, j'ai ma ceinture, je vais aux toilettes, je vous jure, hein, je quitte la planche de Ouija, je vais aux toilettes. Ma ceinture se coupe en deux, une ceinture en cuir. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu pars Alors, je vous cache pas que la majorité des gens qui faisaient le Ouija ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont trop flippé. Il y a, je crois que Amir et une copine, hein, c'est ça Amir, hein, ouais. Vous avez continué. Et donc, vous avez continué à parler à l'esprit. C'est ça. Et du coup, il s'est passé d'autres trucs après, Amir? Bah, la fille, elle était en train de trembler, mais vraiment, en plus, je la connais, c'est vraiment pas une mytho, elle était à fond là-dessus et tout. Et le verre, il se jetait, hein. Et le verre se jetait littéralement, mais surtout que dans le Ouija, tu peux pas mentir, parce que ton doigt, il est posé sur le verre, et il est pas en appui total. Mmh. Ouais, c'est mais après, à peine le bout d'ongle qui touche. Ouais, mais après, le tien, tu sais, mais les autres autour de la table. Bah, pour le coup, moi, elle, j'ai une entière confiance en elle, donc du coup, je sais que c'est pas elle qui a bougé le verre. Et le verre bougeait super vite. Vraiment, nous, on servait juste d'appui. Mais franchement, c'est ce genre de choses qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, et je peux comprendre parce que même moi j'y croyais pas avant de le faire. Il faut le vivre. Et une fois qu'on l'a vécu, on se dit effectivement on n'est pas seul. Bah, c'est-à-dire qu'on est allé voir après Apple et tout ça. Je veux dire, un chargeur de Mac, ça ne prend pas forcément feu sans raison. Non, c'est hyper rare, tu vois. Tu m'étonnes, c'est hyper sécurisé. C'est sécurisé. Donc là, forcément, c'était la panique vraiment dans la maison. Et depuis, je vous cache pas que je l'ai plus jamais refait et que je suis pas chaude pour le refaire parce que j'ai peur. Je sais que ça marche, quoi. J'ai peur. Ouais. Ça me tend. Mais moi aussi, je suis assez sensible à ce genre d'histoire. Mais du coup, vous aussi, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont appelés au 01 42 48 5000. Ouais, et on a Yannick du Standard. Alors lui, il a une histoire, les gars. On le dit maintenant ou on le dit pas maintenant? Ah si, j'ai envie de le raconter. Raconte. C'est pas vraiment en rapport avec le Ouija, mais c'est une histoire d'esprit aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bichon? Alors moi, à la mort de mon père, quelques jours après, voilà, j'étais chez ma cousine. Donc il y avait ma cousine, ma mère, etc. Et là, donc la ligne de mon père était coupée parce que voilà, il était décédé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a mon téléphone qui sonne avec marqué papa, alors que la ligne était coupée par Orange. Oh là là. Là, je réponds parce que voilà, j'étais en pleurs et tout. Je réponds et là, j'entends des pendant 10-15 secondes et ça raccroche. Et dès que j'ai rappelé le numéro, il y a marqué Orange ne peut pas donner suite à votre appel. La ligne a été coupée. Et toi, tu nous disais que ton père, en gros, il était fan des nouvelles technologies, voilà, des iPhones, des téléphones, tout ça. Et tu penses que c'est lui qui a appelé pour te dire, en gros, tout va bien, quoi. Ouais, je pense que c'était un signe en mode, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie et tout va bien. Mais tu sais que je suis tombée sur une histoire comme ça, Yannick, tout à l'heure. C'était un mec en 2008 en Californie qui a vécu un peu la même histoire avec un accident de train et qui a appelé sa famille comme ça alors que son téléphone était coupé. Donc c'est déjà arrivé. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Bon, et ben vous savez quoi? Ouais, on fait ça tout à l'heure. Hein. 01 42 48 5000. On se retrouve tout de suite sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance electro. C'est Fun Radio. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun Radio sur iPhone. Yeah. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Fun Radio. Fun Radio. Thank you. ce soir dans le Night Show. On parle paranormal. Esprit, êtes-vous là? Oui. Esprit, est-ce que vous êtes content d'être là? On est content d'être là. 22h52, on est en direct. On se fait un dossier spécial paranormal et je suis en train de voir les messages de certains d'entre vous qui nous dites on aimerait bien faire le Ouija avec vous. Et ben je trouve que c'est une bonne idée. Si vous êtes sur Paris, venez, on se fait ça mercredi. On se fera un truc de ouf avec plusieurs auditeurs. On se fait un Ouija en direct. Ah ouais, c'est clair. Le faire tous ensemble, ça va être chambé. Comme ça, on filme pour la chaîne YouTube, ça peut être sympa. Et comme ça, vous serez témoins. On va pas tricher, on va vraiment le faire. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Non, puis surtout, il y a plein de membres de l'équipe qui ont pas envie de le faire parce qu'ils ont peur. Et ça, rien que pour ça, ça me fait marrer. Ouais, c'est clair, ils sont terrorisés. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ce sont les garçons qui sont terrorisés. Ouais. Hein, le standard. On flippe, ça rase, hein. Ouais. Bon, il y a du monde au standard. Il y a Mathéo qui nous a appelé de Caen. Bonsoir, Mathéo. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Mathéo? Eh ben, ça va très bien, et vous? Ouais, très bien. T'as 15 ans, toi? Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais nous raconter, alors? Alors, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, avant que, dans mon ancienne maison. Mm-hmm. À cette époque, mes parents étaient encore ensemble. Et ça faisait 5 ans que j'habitais... Dans ma maison, quoi. Enfin, j'habite à Caen, mais je vais pas dire le petit village parce que sinon mon histoire va se reconnaître tout de suite. Hein. Okay. Et donc, le délire qui se passait, c'est que ça faisait 5 ans qu'on était là. Et les 4 derniers mois, on est resté dans la maison, quoi. Bah, c'est là que ça a changé et c'est ces 4 derniers mois qui ont fait qu'on a déménagé, quoi. Et que mes parents se sont séparés parce que tout allait bien, hein, tu sais, le très bien, il n'y avait pas de problème. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison exactement? Bon, en gros, la chambre de mes parents donnait sur le jardin. Donc, tu sais, il y avait juste à ouvrir un baie vitrée et on était direct dans le jardin. Et le délire qui se passait, c'est que tous les soirs, donc, comme je te dis, à partir de 4 mois, il y avait un bruit de balle qui a m'enlissé. Mmh. On ne sait pas pourquoi. Il y avait un bruit. On a dit que c'était un bruit de balle parce que ça ressemblait à un bruit de balle. Une balle de tennis, truc du genre. Mais on ne sait pas en fait c'est quoi, mais ça ressemble à un bruit de balle. Et mon frère qui est plus jeune, qui a 10 ans, je crois, lui, enfin, il avait pas 10 ans, il avait 8 ans. Lui qui était terrifié, enfin, il avait peur, quoi. À 8 ans, c'est chaud, quoi, d'entendre son bruit là le soir. Ouais. Dans les 23h, bah, il est obligé d'aller dormir avec mes parents. Mais pas dans le lit avec mes parents, il avait pris un petit matelas et il dormait avec mes parents, quoi. D'accord, mais alors est-ce que vous avez essayé d'analyser ce bruit? Vous avez fait venir des gens? Vous êtes enregistré? Il s'est passé quelque chose ou? Bah, ça c'était pour mes parents. Ouais. Après, le délire qui s'est passé, c'est que moi aussi, sur les 4 ans, sur les 4 mois, pareil, à chaque fois que j'allais me coucher, et à chaque fois que j'étais endormi, quoi, que j'étais pas dans un sommeil profond, mais que voilà, mais j'étais fermé, que voilà. Il y avait comme une. En fait, c'était comme si on ouvrait une porte de frigidaire. Ouais. Et qu'il y avait de l'air frais qui arrivait, tu vois. Et ça me réveillait d'un coup, quoi. En gros, tu sentais des courants d'air frais la nuit quand tu dormais, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez été obligé de déménager? Alors, après ça, bah, on a été obligé de déménager, oui, parce que ma mère, il y a son oncle qui fait un peu de la voyance, truc du genre, quoi. Enfin, on lui donne une photo, par exemple, et il sait nous prier à l'avenir. Mm-hmm. Et il fait un peu de tout, quoi, médium, etc. Et moi, j'étais pas là parce que mes parents, mais moi et mon frère, on n'était pas à la maison parce qu'ils préféraient pas qu'on soit là, parce qu'on était un peu gamin. Ouais. Et il était bien un soir et il avait foutu, alors je sais plus, mais ça devait être du gros sel, je me suis pas renseigné. Enfin, il avait foutu des trucs autour de la maison. Et tu sais, je pense que c'était du gros sel. Ouais. Et donc, c'était le vendredi soir et on était revenu dormir dans la maison le lundi. Le lundi soir, comme ça, le week-end, on n'avait pas dormi dans la maison. Et donc, comme ça, je suppose qu'il avait fait, en fait, il avait fait une analyse de maison et il nous avait dit que cette maison n'était pas normale, quoi. Bah oui. Si c'est le cas, je pense que tout ce qui est hanté et tout, ça ne me plaît pas du tout. Mais si c'était le cas, ça faisait vraiment peur, quoi. D'accord. Et du coup, donc vous avez déménagé, maintenant tout va mieux, t'es dans une maison saine et tout ça? Là maintenant, ouais. Mais avant, après, comme je disais, l'oncle, là, il fait un peu de voyance. Et ce qui a choqué plutôt moi et ma mère, parce que mon frère, on l'a pas mis au courant parce qu'il est trop jeune. Il avait fait, dans ces périodes-là, mes deux parents sont tombés en dépression. Ouais. Sur les 4 mois, donc mes parents, les deux sont partis en dépression, mais mon père faisait des tentatives de suicide, il voulait boire de l'eau de javel, etc. Donc ouais. C'était compliqué à vivre. Et donc ma mère avait envoyé une photo de mon père. Et il avait prédit, on avait un escalier, donc étage, il avait prédit sur la photo de mon père que si ça changeait pas, quoi, si j'avais pas, si on déménageait pas, si on se séparait pas, ou des trucs comme ça. Comment? Il avait prédit qu'il allait se suicider. Qu'il voyait mon père pendu à un barreau de l'escalier, quoi. Oh là là, l'horreur! Oh non! Alors, donc, quand il me dit ça, tu vois, je regardais mon père d'une façon, quoi. Voilà, ça fait un peu peur, quoi. Ah bah vous avez bien fait de déménager, hein. Ah bah là, oui. Mais, avec ça, mes parents, après, ils se sont séparés parce que ça n'allait pas du tout. Et là, maintenant, on habite chacun de notre côté. Enfin, mon père a toujours il a essayé de fermer sa dépression. Ouais. Il habite un peu à part et moi, j'habite avec ma mère. Voilà. Dans un appart tranquille. D'accord. Écoute, on espère que vous n'aurez plus jamais à revivre ça, parce qu'effectivement, entre les bruits de balles, les courants d'air frais et en plus les visions de ton père qui décède, pas facile. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, ouais. Merci c'est de nous avoir raconté tout ça, Bichon. Y a pas de quoi. On t'embrasse très fort, Mathéo. Hein. Ciao, bisous tout le monde. Bisous, on est avec ton papa. Bisous. Bisous. L'équipe, on va jouer ensemble. Vrai ou faux événements paranormaux. Vous allez me dire si, selon vous, ils ont existé ou pas. D'accord, prêt? Ready. La maison des pluies. En gros, en Pennsylvanie, dans les années 60, après le décès du propriétaire, il se met à pleuvoir des tombes d'eau pendant plusieurs jours dans la maison. Attends, ça veut dire qu'il pleut pas dehors, mais il pleut que dans la maison? Oui. Vrai ou faux? Je pense que c'est pas ça peut être compliqué à inventer ça. Ça fait trop film. Eh ben, c'est un vrai phénomène qui reste toujours non élucidé à ce jour. Donc, c'est-à-dire que pendant plein de jours, après la mort du gars, il y a de l'eau qui tombait des toits, alors qu'il pleuvait pas dehors. Mais ça continue encore aujourd'hui, on sait pas. Non, ça y est, c'est terminé, ça a duré que quelques jours, mais enfin, c'est quand même incroyable. Ouais, ils ont jamais trouvé de solution scientifique. Le pont qui rend le chien fou. En Écosse, depuis 1953, une cinquantaine de chiens se seraient suicidés du haut du pont d'Overton sans aucune raison apparente. En gros, les chiens se seraient jetés d'environ 15 mètres dans le vide et seraient morts tragiquement. Mais c'est horrible. C'est vrai. Bah ouais, je pense que c'est vrai, ouais. C'est vrai, Anso. Vraie histoire, et pareil, le phénomène reste toujours non élucidé. À chaque fois que les gens emmenaient leur chien, ils se jetaient dans le vide. Peut-être qu'il y avait un gars qui brandissait un os en bas. C'est improbable quand même, cette histoire, non ? J'ai pas compris non plus. Le paquet de chips hantés. Aux États-Unis, un homme découvre qu'il est capable d'entrer en communication avec les petits fantômes dans les paquets de Monster Munch. Ouais, c'est possible. Non, ça c'est faux, évidemment, c'est faux. Le moine bien conservé, écoutez bien. 200 ans après sa mort, le cadavre d'un moine bouddhiste a été retrouvé en parfait état après avoir été déterré. Parfait état, c'est-à-dire comme si vous et moi, là, on s'endormait, il nous retrouve dans le même état dans 200 ans. Combien de temps tu dis 200 ans ? 200 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraie histoire. Pareil, parce qu'il n'avait pas été momifié ni rien, donc ils ne comprennent pas comment c'est possible. C'est flippant. Il était pas mort. En plus, c'était un délire bouddhiste, tu vois. Donc tu lis ça à la religion, tu te dis c'est pas n'importe qui, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait flipper. Aux USA, la NASA aurait observé des sourcils volants non identifiés appartenant à un jeune Parisien de 26 ans nommé Amir Layeb. Vrai ou fausse histoire ? Faux ! Oui. Fausse histoire. Thibaut à l'arrière qui est carrément premier degré, tu sais. Contre toi. Bon, continue de nous appeler, là, 01 42 48 5000 et venez nous raconter toutes vos histoires. Moi, j'adore ça. J'adore partager ça avec vous, franchement. Ah, moi aussi. Le pauvre, là, il m'a fait trop de peine, le petit bichon. Il y a plein de gens qui nous attendent, Mathieu, Céline, pour des histoires de malades. On découvre ça dans un instant. Le Pourquoi tu m'appelles débarque aussi. Spécial paranormal après Bob Sinclair. Anso, c'est le Night Show en direct jusqu'à minuit. Et pourquoi je prends cette voix qui fait peur? Car nous sommes en plein cœur du dossier paranormal. L'angoisse de la meuf. Vous retrouverez bien sûr toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Et en parlant de notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la vidéo d'hier soir. Oui. Capucine était notre invitée pour sa chaîne YouTube Les Colocs. Et on a essayé de la séduire en tant que colocataire. J'avais même ramené Wacha. C'est vrai. Vous allez pouvoir voir Wacha, mon chat, chaîne YouTube dès maintenant, Marion et Anso. Pourquoi tu m'appelles? C'est pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain qui se fait chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et Anso, je te propose que pour le Pourquoi tu m'appelles de ce soir, on continue en mode paranormal. Ah. C'est-à-dire que je sais pas si c'est toi ou moi qui va être choisi, mais en gros on va devoir la jouer en mode fantôme. Tu sais? Ah, j'aime bien cette idée. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, à gagner en tout cas du casque DJ cette semaine dans le Pourquoi tu m'appelles, pour vous inscrire, Marion et Anso @funradio.fr. Et c'est Coralie qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Coralie. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Salut Coco. Ça va? Ça va au top. Alors, t'habites où toi? À côté de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre. Ah, mais oui, je connais très bien La Chapelle-sur-Erdre. C'est joli? Ah oui? Oui, bah, c'est très mignon. Enfin, c'est un tout petit. C'est pas très grand. Oui, quoi. Enfin, c'est tout petit, quoi. Mais j'avais beaucoup de potes qui habitaient à La Chapelle-sur-Erdre. D'accord. J'ai vu beaucoup de teuf là-bas. Sympa, quoi. D'accord, ça marche. Moi aussi, j'en ai fait quelques-unes. Vous voulez que je vous laisse toutes les deux, peut-être? Bichette, t'as quel âge, toi? J'ai 21 ans. 21 ans, d'accord. Et tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Anso. Okay. Ok, Coralie. Forcément, les Nantaises. on la laisse commencer? Non, Anto, vas-y, commence, je t'en prie. Ouais, on te laisse commencer. Du coup, comme je t'ai dit, on va te mettre une réverbe. Tu vas la jouer fantôme. Tu l'avais fait une fois, c'était archi drôle. Mais alors, je fais le fantôme de qui? De ce que je veux ou Bah oui, tu te lâches. Okay. On va voir en fonction de la personne. Bon, Coralie, bouge pas, on appelle quelqu'un. Thibaut, tu vas mettre un petit traitement sur ma voix? Je trouve ça. Allô? Toujours pas, donc. Non, on n'y est pas là. Hein. Allô? C'est un fantôme qui se racle la gorge. Allô, oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Je vous ai pas appelé, moi. Je suis le fantôme de mamie. Comment? Mamie a un message pour toi, mon petit. Je suis dans l'au-delà et je t'aime. Allô? Ah bah ouais, il a flippé. Attends, il m'a mis en attente, je crois. Ah bon? Allô? Qui êtes-vous? Je suis le fantôme de mamie. Vous n'avez rien à faire. Mais je suis mamie. Vous n'avez rien à faire, en fait. Mamie t'aime. Tu lui manques énormément. Alors pourquoi tu appelles mamie? Allô? Ah, je rêve. Bon, combien de temps elle a fait avec la voix de fantôme? On a fait 45 secondes. C'est pas mal, hein? Pas si mal. Franchement, pour un handicap pareil, c'est pas si mal. Coralie, tu trouves que je m'en suis sortie comment? Ah ouais, pas trop mal, hein? Et comment tu réagirais, toi, si mamie t'appelait? Ou un fantôme de l'au-delà? Bah, j'aurais des petits soucis, sachant que mes deux grand-mères sont encore en vie. Ouais, forcément, effectivement. Bon, chérie, ça va être à toi. Donc toi, pas de handicap, t'y vas à la cool et t'essaies de tenir au moins 45 secondes. Ah, je vais faire ce que je peux. Allez, bonne chance, vas-y. Merci. Tu peux gagner ton casque DJ afin d'écouter tous tes titres préférés. Oh bah, le son dance floor. Ouais, le son de la teuf. Allô? Allô? Oui, bon. Oui, il y a quelqu'un? Oui. Oui, je comprends pas, vous m'avez appelé, est-ce qu'on se connaît? Non, je ne pense pas. Je vous ai appelé quand, à l'instant? Non, je comprends pas, c'est que j'étais aux toilettes en plus, et vous venez de m'appeler, là, je comprends pas, donc en numéro privé. Bah écoutez, peut-être une mauvaise manip, mais non, je n'ai... Détendez-vous, je n'ai pas passé de coup de fil. C'était vachement flippant quand même, alors si c'est pas vous, je comprends pas. Mais écoutez, moi non plus, j'ai pas touché à mon téléphone depuis un petit moment, c'est à l'instant là. Bah oui, c'est à l'instant, c'est pour ça, j'ai décroché, et c'était un numéro privé en plus, donc je comprends pas. Mais écoutez, moi non plus, je suis désolé. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. D'accord, bon bah c'est quand même vachement bizarre, hein. Oui, effectivement. Votre numéro aussi est marqué inconnu. Bah, alors ça c'est encore plus bizarre parce que je sais même pas comment mettre en inconnu. Hein. Oui, c'est très rare que je reçoive des appels inconnus. Écoutez, je sais pas. Bon, bah alors là, ça va être le mystère de la soirée, mais bon, je n'aurais pas compris pourquoi tu m'as appelé. Pour moi aussi, désolé. Est-ce que tu as une femme? Voilà. Comment? Tu as une femme? Oui, je suis marié. Ah, bon, est-ce que tu as des enfants? Non, mais j'ai l'intention d'en faire avec mon épouse. Voilà. Ah, bah, sur ce, je vais vous laisser. Non, mais quittez pas encore, monsieur. Moi, je veux bien des enfants aussi. Mais je vous en souhaite tout plein. Hein. Mais c'est pas possible avec vous, Cholas. Non, avec moi, c'est pas possible. Non, je suis désolé. Ah, je ne sais pas le géniteur. Je peux peut-être vous trouver quelqu'un. Hein. Je vous passe quelqu'un. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu m'appelles? Bon, ah ouais. Il a raccroché, c'est pas mal du tout. En plus, moi j'aime bien les pourquoi tu m'appelles comme ça, un peu courtois. Ouais, moi j'aime bien, elle est partie dans la drague, ça a parlé d'enfants, tout ça. Elle a tenu combien de temps, Thibaut, à la réa? 2 minutes 10. Oh là là, bah, bravo, c'est gagné. Ouais, bravo, Coralie. Ah ouais. Pas mal. Oh, mais en même temps, il était vachement cool. Ouais, franchement, t'es bien tombé. Et du coup, grâce à lui et grâce à ton talent, tu repars avec ton casque DJ, chérie. Ah, trop bien, merci. Voilà. Merci la vie, merci le pourquoi tu m'appelles. Ah ouais, mais vraiment. On t'embrasse, ma Coralie, embrasse toute la chapelle sur Erdre pour nous, tout le 44, tout ça. Ça marche. Gros bisous. Dans un instant sur Fun Radio, on reste en mode paranormal parce que vous êtes super nombreux à nous appeler là pour nous raconter des histoires, vos rencontres avec les esprits, vos expériences un petit peu étranges. Alors attention, on veut que du vrai. On veut pas du fake. Ça sert à rien juste pour passer à la radio. Non, on veut vraiment se faire peur, nous. On a envie d'avoir vraiment peur. 01 42 48 5000, on parle paranormal juste après Cachemire sur Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? I'm sure you've had a lot of hope. en mode paranormal ce soir jusqu'à minuit et en direct. Il est 23h13. Vous êtes hyper nombreux à appeler le standard à la 01 42 48 5000. Continuez pour nous raconter vos histoires. Ça nous fait kiffer, on se fait peur ensemble. Vous inquiétez pas, je sais si vous êtes comme ça là dans votre lit, vous flippez, mais c'est pas grave. Rien ne va vous arriver. Voilà, personne n'est décédé. Bon, à part en Pennsylvanie où il y a un mec qui est mort. Oui. Voilà, avec de l'eau qui est tombée dessus, mais c'est pas grave. Avant de prendre du monde au téléphone, j'avais un petit j'y crois pas avec vous, l'équipe. Est-ce que ça vous dit? Ah ouais, vas-y. Ah ouais. Je vais vous proposer des thèmes. Vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Allez. D'accord. Les extraterrestres. Ah, moi j'hésite. Ouais. Ouais. En fait, moi j'y crois pas sous la forme des petits hommes verts et tout ça. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers et dans l'univers. Ouais. C'est obligé de toute façon. Moi, ouais. Thibaut à l'arrière. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis que l'univers c'est tellement grand, tellement infini qu'il y a forcément des mecs comme nous plus loin. Ouais. Je suis d'accord avec vous. La voyance. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Hein, on a déjà eu des gens qui nous avaient bluffés, on en aura d'autres dans cette émission. Les fantômes, la dame blanche, tout ça. Vous y croyez ou pas? Ouais, mais moi je crois à tout en fait, je crois. Ouais, ouais, moi je dirais oui. Je pense que tout ce qui est dame blanche, tout ça, je pense que c'est faux, mais les esprits, je pense que ça existe. Ok, les vampires. Non. Non, non. Non. Bah. Moi non plus. Les morts vivants. Non, bah non, non plus, je crois pas. Non plus. Les gens qui communiquent avec les morts. Ah oui, oui, oui, bien sûr, j'y crois. Restez là, tout à l'heure, on aura un médium, il s'appelle Serge, et justement, il communique avec les morts. Les licornes. Ah bah bien sûr, j'y crois. Non. Évidemment. Les loups-garous. Non, bah non. Non, non. Ah, je sais pas, j'ai envie d'y croire, moi. Bah enfin... Bah Twilight, tout ça, j'aime bien. L'instinct animal. Ouais. Ah oui, complètement. Bah oui, on avait vu cette histoire des chats là qui allaient prévoir la mort des patients dans un hôpital, c'était ouf. Ouais, c'est ça, même Wacha, elle fait des trucs chelous. Ouais. Elle fait quoi? Bah, depuis que je suis diabétique, par exemple, quand je suis en gros manque de sucre et que je dors, elle vient souvent me réveiller. C'est vrai. Ah, c'est beau ça. Mais ouais. Oui, parce qu'ils ont un vrai instinct hyper développé. Quoi. Elle vient souvent me réveiller. Bon. L'exorcisme. Ah oui. Ouais, j'ai déjà vu, moi. Ouais. Moi aussi, les films sont tellement horribles. Oh, ça me dégoûte. La sorcellerie. Bien sûr. Ah, non. Oui. Ouais. Et au bled, il y en a beaucoup. Hein. Non, mais si, moi aussi, j'y crois à la sorcellerie. Les guérisseurs. Bien. Ah oui, aussi, j'y crois. Ouais, mais il y en a pas beaucoup, des bons, des vrais. Ouais. Magnétiseurs, guérisseurs, c'est hyper impressionnant. Parfois, ils peuvent même arrêter le feu. La sensation de brûlure, c'est ouf. Ouais. Ils souffrent dessus. La mort de Michael Jackson, on y croit ou on y croit pas? Moi, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Pas. Il est pas mort, mon Michael. Et alors, le dernier, c'est le plus ouf. Vous allez me dire si vous y croyez ou pas. L'âge au fond du verre à la cantine. Ah oui, oui, on y croit. On y croit. 01 42 48 5000. On parle paranormal là jusqu'à minuit. Bougez pas, on se fait flipper ensemble et on aime ça. Ce matin, c'était ça. Chiffre du jour, 53% des couples font leur lessive séparée, ils ne mélangent jamais leur linge. Ah, c'est mon cas, moi. Pareil, ma fille, elle a ses lessives à elle. Et vous avez deux paniers à linge sale, comment vous faites? On a deux Tancarville, deux paniers à linge sale. Deux Tancarville? Ouais. C'est quoi, Bruno? C'est quoi un Tancarville? Bah, si, c'est pour étendre le linge. Ouais, ça s'appelle un Tancarville. Alors, à tous les célibataires, profitez. Quand tu dis Tancarville dans ta vie, c'est trop tard. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Bannure. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Mercredi au cinéma. Événement Fun Radio. Dimitri Vegas, Like Mike, Bringing the Madness, les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace. Le meilleur duo de DJ au monde emmènera son Madness à Anvers, en Belgique, à 4 reprises. Les tickets seront disponibles à partir du 6 septembre à 10h via livenation.be. Dimitri Vegas, Like Mike au Sport Palace d'Anvers avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Ce soir, le Night Show passe en mode paranormal. Si vous êtes du genre à flipper, bah, c'est dommage pour vous. Oh là là, mais même ce jingle me fait peur. C'est un truc de ouf. On vous voit là sur Twitter, sur Facebook. On va lire vos messages dans un instant. C'est un truc de malade, comme le paranormal, ça fait parler. Tout le monde a une histoire ou connaît quelqu'un qui a vu un esprit ou à qui il est arrivé un truc de dingue. Eh mais c'est normal parce qu'on peut pas. Il y a toujours un doute, on peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc c'est ça qui nous intéresse. Ouais, parce que scientifiquement, on peut rien prouver. C'est ça qui est dingue. Ouais, après les serial killers, on sait qu'ils existent et ils me font effectivement peur. Oui, mais c'est pas paranormal, ça, c'est juste de la folie. Il y a Mathieu à Calais qui nous a appelé là au 01 42 48 5000. Bonsoir Mathieu. Salut les filles. Comment ça va Mathieu? Ben bien, un peu flippé, mais bien. Bon, raconte-nous, est-ce que toi aussi tu as vécu une expérience paranormale? Ouais, alors ça remonte à il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Ouais. J'étais en vacances dans le sud et il y a des jeunes du village qui viennent nous voir en disant ben, ce soir on réquisitionne la salle des jeunes, on voudrait faire une séance de spiritisme. Donc ils nous expliquent qu'il y a deux de leurs potes qui sont décédés dans un accident de voiture 15 jours, 3 semaines avant et qu'ils ont le sentiment que c'est pas un accident. Bon bref, arrive le soir, ils font sortir tout le monde et je sais pas pourquoi, ma sœur et moi, ils nous disent ben, vous si vous voulez vous pouvez rester. Donc on reste avec eux, ils étaient 4 ou 5. On fait la séance de spiritisme, puis au début, on sentait que ça rigolait, que c'était des gens qui bougeaient le verre. Et au bout d'un moment, enfin, on a vraiment senti que le verre bougeait tout seul. Donc, ils commencent à discuter, ils posent des questions, puis sans arrêt, ils demandaient « Mais qui es-tu? Dis-nous ton nom, donne-nous un indice. » Et donc là, à chaque fois, ça allait vers « Non, non, non. » Donc, ils continuaient, ils posaient des questions. Et là, il y en a un qui a mis, il a allumé une cigarette, il a mis la fumée de sa cigarette dans le verre. Et là, on a vu une tête de mort, en fait, se dessiner dans le verre. Mais et là, il y a une fille qui était assise à côté de moi. Donc, elle se balançait pas rien du tout. Elle était assise, normale. Et là, elle est tombée à la renverse. Sa chaise s'est renversée. Ouais. Et deux secondes après, il y a un mec qui a commencé à suffoquer, mais vraiment suffoquer, comme si quelqu'un l'étranglait. Et ils ont dû sortir une croix bénie, la mettre au-dessus du verre pour que ça s'arrête. Et là, ils ont ouvert tous les volets, ils ont tout rallumé, ils ont arrêté, ils ont tous flippé, tout le monde est parti. Mais qui a une croix bénie sur lui, en fait? Bah là, ils avaient prévu, quoi. Ah ouais. Ah, mais la tête de mort qui apparaît, c'est horrible. Ça, c'était un truc de malade. Et en fait, ma sœur est de l'autre côté, enfin en biais, et elle me dit qu'elle l'a vu comme moi, quoi. Vraiment, comme si elle était en face de nous à chaque fois. Un truc de malade. Et du coup, vous êtes tous partis en courant? Ah ouais, bah tout le monde flippe. Enfin non, moi je suis resté avec l'un des mecs, on a ouvert tous les volets, et enfin on s'est barré, quoi. Mais Mais t'en as refait des séances de Ouija après, Mathieu? Non. Ouais, bah tu m'étonnes, en même temps, c'est une question. Par contre, c'est dans mon ben, j'ai refait. Mais non, bah... Mais ça, c'est un truc, tu le fais une fois, ça marche, ouais, ouais, je pense ça, que ouais. T'y retouches plus. Hein. Alors, moi, je le ferai avec vous, parce que voilà, j'ai quand même envie de tester, mais j'avoue que ça m'a tellement sauvé le dos que j'ai vécu. Truc de ouf. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, c'était flippant. Bah écoute, merci de t'être confié à nous, mon patin. Pas de bile. Pas de bile. Cimetière des mots, ça, pas de bile. Hein. On n'utilise plus depuis 1970. Hein. Attention aux esprits, hein, les esprits de la ringardise, tu sais, ça arrive, Mathieu. On t'embrasse. Bisous, Mathieu. Allez, bisous. Salut. Salut. Il y a Céline aussi à Marseille qui est avec nous. Bonsoir, Céline. Salut, les filles. Ça va, Céline? Ouais, et vous? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Marseille, toi? Écoute, moi, il m'est arrivé un truc de fou il y a 3-4 ans. On a fait une séance de spiritisme avec mes potes. Franchement, on n'y croyait pas tellement. On a fait ça pour déconner pour la première fois. Et on fait la séance et avec les verres, tout ça. Et il s'est vraiment rien passé du tout. Même si on était à bloc et tout, il s'est rien passé. On avait quand même allumé des bougies pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et on termine la séance. Et en fait, la bougie qui était allumée dans la pièce était éteinte dans le reflet de la vitre. Ah. Et là, on a méga flippé par contre, parce que c'était voilà, c'était vrai qu'on s'y attendait pas du tout. C'était après la séance et on a eu l'impression que c'était un peu comme une correction, quoi. Parce qu'on, comme on se moquait du truc et qu'on n'y croyait pas, on s'est pris une méga gifle à la fin, quoi. Mais ça, c'est vrai. J'ai l'impression que quand tu fais le truc à la légère, genre je m'en fous, c'est pas vrai, tu fais un peu la meuf et tout. J'ai l'impression qu'ils te le font payer limite. Ah ouais, non, c'était vraiment flippant de voir la bougie éteindre dans le reflet du miroir, enfin pas du miroir mais de la fenêtre, quoi. D'accord. Et depuis maintenant, j'imagine que tu y crois à fond. Bah plus jamais. J'en ai plus jamais refait. D'accord. Ok. Ah, ça m'a calmé sec, quoi. Et tu veux pas le faire avec nous là? On va s'en faire cette semaine. Ouais, elle habite à Marseille, donc ça. Non, mais je vous jure que c'est. Ouais, déjà je suis à Marseille et en plus de ça, je vous jure que c'est hyper hyper flippant. Ouais, mais à vous, si on fait une séance de Ouija et qu'on le met sur notre chaîne YouTube, t'iras voir quand même, Céline. Ah bah évidemment. Ouais, bah, je suis vos premières fans. Bon. Et eh ben, on te dira si ça a marché, on vous montrera de toute façon. Merci de nous avoir appelé, Céline. Bah, de rien, gros bisous, les filles. Bisous et gare aux bougies. Ouais, et je vous dis ce qui se passe parce qu'on est censé se faire mercredi avec la vraie table de Ouija et tout, une séance avec des auditeurs et on va le faire pour la chaîne YouTube, c'est sûr. Mais là, il y a Amir qui prépare de son côté les lettres de vue tout à l'heure. T'as envie qu'on le fasse à l'antenne? Ouais, franchement. À l'antenne, je sais pas, on peut essayer pendant la. On va le faire à l'antenne, Amir. Parce que. Yannick, du standard qui est en flip total. Moi, je me casse. Mais non, ça va bien se passer. Déjà, non. En fait, hein, tu peux pas. On a besoin de toi, mais non, mais je pense pas que ça puisse marcher comme ça. Il y a trop d'ondes ici et tout, j'en sais rien, mais on va essayer quand même tout à l'heure. Il faut juste qu'on trouve un verre et. Et il faut une bougie, non? Ouais, et qu'on regarde un peu les règles et tout, et qu'on se mette dans le noir, hein, ça va être compliqué. Hein. Bah, on éteint la lumière, quoi. Oh Oh, et on se mettra sur Periscope ou Facebook Live. Je crois que t'es... Les esprits n'aiment pas ça. Bon, on essaie de gérer ça là avant minuit. On va se faire un dos, mais moi je flippe, hein. Je vous le dis. Hein. On a Jonathan qui nous a appelé de Brulange. Bah déjà, ça fait peur. Bonsoir Jonathan. Bonsoir les filles. Ça va Jonathan? Bonjour Jonathan. Oui, ça va. Mais alors, c'est où Brulange? Près de Metz. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Alors, c'est pas à moi, c'est à mon père et à mon ex-beau-frère. Raconte. Ils étaient dans un hôpital pour aller voir ma sœur. Ils se sont dirigés vers un ascenseur. Il y avait une femme de dos devant eux qui est entrée dans un ascenseur. Eux, ils ont couru pour pas que la porte se ferme, mais la porte s'est refermée. Mon père, il a appuyé sur le bouton. La porte s'est rouverte sans la femme dedans. Ils ont cherché dans l'ascenseur pour voir s'il y avait une autre porte derrière où elle avait pu partir, mais rien. Non mais comment c'est possible? Elle est partie où cette meuf? Bah on ne sait pas. Mais vous avez regardé au plafond de l'ascenseur qu'elle était. Ils ont regardé partout. Mais c'était pas un reflet, voilà. C'était pas. Non, non. Ah non, ça peut pas marcher en reflet, tu vois. Mais... Et puis mon père, il a demandé à mon ex-beau-frère s'il avait vu la même chose que lui. Et il pense quoi? Et voilà. D'accord, donc toi tu penses que c'est un esprit, un fantôme d'une femme, quoi. Voilà. Oh, mais ça c'est horrible. Moi, un jour, il m'arrivait un truc un peu chelou, je me rappelle, j'étais au lycée, j'avais 17 piges, et mon père, il s'appelle Ali. Et en fait, dans la rue, j'ai croisé une dame que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais vue de ma vie, qui est venue me voir et qui m'a demandé comment va Ali, passe-lui bonjour de ma part et tout, et puis elle est partie. Ah bon? Ouais, mais je la connais pas mais cette dame. C'était peut-être une vieille copine du bled. C'était peut-être son ex, hein. Ah oui, mec, c'était peut-être juste une connaissance que tu connais pas. Non. Bah. Non, mais puis elle est partie, tu te dirais, elle s'est envolée ou? Non, elle a marché tranquille vers le bus. Elle a marché, puis elle est partie à la tour à droite, je me souviens. Bah, mec, c'est pourri comme histoire. Ouais, d'accord. Et je sais pas, elle a dû bosser avec, elle le connaissait d'avant. Mais moi, elle me connaissait pas, la meuf. Oui, mais d'accord, mais. C'est... J'ai jamais vu de ma vie. Mais Amir, moi, il y a plein d'amis de mes parents que je ne connais pas. Mais c'est pas dit, c'était pas son quartier. Mais même, il est con. Mais c'est pas possible. Mais non, mais. Et puis après, non, mais je veux dire, elle s'est pas envolée. Bon, du coup, mon pote, on vous l'avait pas retrouvé, hein. Non, ils l'ont jamais retrouvé, l'ascenseur s'est refermé, plus de femmes. Bon, bah là, voilà. C'est vrai que c'est bizarre. Et genre, ça les a un peu traumatisés, ton père et tout ou... Non, pas trop. Non, ils se sont demandé où elle était, et puis. D'accord. Et tout. Parce que moi, ça m'arrive, tu le dis, tu me vois pas pendant deux jours, je suis sous ma couette et je flippe. Hein. Ou je vais voir un psy, mais. Moi aussi, j'appelle la police. Bon, bah, ils pourront rien faire, mais quand même. Eh ben écoute, merci de nous avoir appelés, de nous avoir bien fait flipper en tout cas. On t'embrasse, Jonathan. C'est avec plaisir. Poutou et bonne soirée. Et bisous. Bonne soirée, Stéphane Bern. Bisous, Jonathan. C'est un truc de ouf, je reçois plein de messages de gens qui veulent faire le Ouija mercredi. Hein. Ah mais moi aussi, hein, tout le monde est chaud. Mais c'est cool. Après, il faut être un certain nombre, non? Tu peux pas être 1000. On va se renseigner à mort, on va faire un truc bien pro avec... peut-être un pro, peut-être. Sur Twitter, il y a plein de gens qui déconseillent, enfin des gens a priori qui l'ont déjà fait. Ah ouais? Ils marquent, surtout ne faites pas ça, je vous le déconseille, vous allez regretter. Mais moi j'ai peur en vrai. Attends, parce qu'il y a Enzo du Standard qui vient de ramener un verre. Donc vraiment, vous voulez qu'on fasse un Ouija tout à l'heure là? Bah ouais, on peut le faire maintenant même. Non, pas maintenant, pas allez. Maintenant. Non, il faut qu'on le prépare et on a encore du monde à l'intérieur. Regardez juste la tête de Yannick, dites-moi comment il est s'il vous plaît. Ah, mais il est pas bien, il transpire, il sue. Il est livide. Il y a Romain à Villepinte qui est avec nous. Bonsoir Romain. Salut tout le monde. Ça va Romain? Bien et vous? Bah très bien, on est hyper curieuse de savoir ce qui t'est arrivé. Alors, moi, ça s'est passé quand j'étais plus petit. Donc, on est même passé à la télé sur une émission, etc. En fait, c'est un gros bordel. Et donc, du coup, ma mère, à l'époque, était boulangère, donc chef d'entreprise. Et tous les matins, elle se levait super tôt pour pouvoir préparer tout ce qui était croissant, etc. Et je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, les chambres pour faire pousser le pain. Ouais. Bah, en fait, elle en avait une dizaine. Et tous les matins, toutes les portes s'ouvraient avec violence. Et une porte qui emmenait dans un couloir vers la cave. Ouais. Et du coup, bon, cette histoire, elle n'a jamais vraiment voulu m'en parler. Et il y a une histoire vraiment où je me souviens, c'était dans la même période, où à un moment, on était tous en haut, en train de regarder un film, et on a entendu la porte faire des grincements alors qu'elle était fermée. Et un violent coup de tiroir à couvert. Et donc du coup on a décidé de descendre et de voir. Donc toutes les chaises bizarrement étaient sur la table, mais posées d'une sale façon. Donc bon, et en fait tout le tiroir à couvert déglingué, et donc le frigo ouvert, avec un saladier posé sur un plan de travail. D'accord. Alors que le saladier voilà. N'a jamais été rangé. Ouais, le saladier était rangé dans le frigo, ouais. Bah après, c'était peut-être un esprit qui avait la dalle. c'est comme j'ai dit tout à l'heure, avant d'appeler, oui, à mon avis, c'est un esprit dalleux qui avait envie de se faire une petite bouffe à minuit, quoi. C'est énorme. Donc du coup, voilà, et puis donc moi, tout ce qui est esprit, etc., j'y crois. J'ai entendu à l'antenne que vous vouliez faire un Ouija. Franchement, ouais. Je vous le déconseille fortement parce que j'ai des entourages qui a eu de sérieux problèmes avec ça. Donc vraiment, ils sont obligés d'appeler un prêtre, etc., pour pouvoir... Mais en plus, Romain, sans déconner, il y a Ludo Gaming là sur Twitter avec le hashtag Le Night Show qui dit le Ouija, c'est déconseillé car ça attire les démons et pas trop les esprits. Ah mais en plus, si on amène des démons là dans le studio de Fun, on va se faire haïr par tout le monde. Bah surtout on va se faire les gars. Moi je suis pas trop chaud. Clairement vous êtes dans la merde. Hein. Franchement vous êtes dans la merde. Là c'est jour et nuit, vous allez avoir de gros problèmes atteintes à votre personne. C'est ouf quoi. C'est ouf. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire, Enzo Standard, il va lancer un sondage sur Twitter. Okay. Voir si les gens ont envie qu'on fasse ou pas le Ouija. C'est vous qui allez décider. Est-ce que pour vous c'est dangereux? Est-ce qu'on peut le faire? Vous nous dites sur Twitter et sur Facebook et on respectera votre choix. Voilà. Il y a Yannick qui est pas bien, qui veut quitter cette émission parce que pour lui c'est un truc de ouf. On rappelle quand même qu'il a vécu un énorme phénomène avec son papa décédé qui l'aurait appelé de l'au-delà via son téléphone. Du coup forcément lui il est à fond dedans. Yannick, ça va aller bichon? Ça va aller, mais si les démons viennent, ils restent à Fun Radio ou ils viennent chez toi après? Bah je sais pas, mais mec je t'explique, ça m'arrange pas parce que je vis seule. Ouais. Donc ça m'arrange pas des masses moi qui suis chez Wam. Normalement t'attires pas des démons les gars, si on fait les choses bien. Ça va bien se passer. Samir qui gère. Ah non, quand même. Hein. Ouais, bon, ça va être Samir qui gère. Bon, Romain, en tout cas, Romain, on a bien compris que toi, t'étais pas pour. Hein. Ah non, du tout. Franchement, c'est une mauvaise idée, mais du plus haut point. Quoi. Bon, tu restes avec nous quand même pour voir le résultat. Ouais, pas de soucis, ça marche. Espèce de voyeur, va. On t'embrasse, Romain. Allez, bonne soirée. Salut, merci de nous avoir appelés. Bon, on lance tout de suite le sondage sur Twitter. Allez nous dire s'il faut qu'on fasse un Ouija ou pas. Avec toute l'équipe du Night Show, là, maintenant. Et dans un instant, on aura le médium Serge qui parle aux morts avec plein d'histoires flippantes à nous raconter. Ah, on vous avait promis que vous allez flipper. Eh ben, vous flippez. 01 42 48 5000. Continuez à nous appeler. On se retrouve après Jonas Blue sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see you. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we'll Night Show. Ce soir, dans le Night Show, on parle paranormal. Esprit, êtes-vous là? Oui. Esprit, est-ce que vous êtes content d'être là? Et alors que sur le Twitter, c'est très serré sur l'enquête, on vous a posé la question, est-ce qu'on teste l'expérience de la planche Ouija ou pas? Tout à l'heure, vous étiez 50-50, là, ça commence à se détacher. Ouais. Je suis désolée, les garçons, je suis désolée, Yannick du Standard, mais pour l'instant, on est à 62% de oui, allez-y, ouais. Faites-le. Ouais, 63% même, moi, là. Donc, je vous cache pas que ça va être un Ouija artisanal improvisé, donc on a trouvé une planche, les lettres, un verre, donc on va se faire ça tout à l'heure si vous êtes toujours la majorité à le vouloir, mais là... C'est le moment d'accueillir notre médium. Et alors, j'ai d'ailleurs une question à poser à Serge. Oui. Bonsoir, Serge. Oui, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Serge? Super, très bien. Merci, et vous? Bah, déjà, merci d'être là. Ça nous fait très plaisir de vous avoir. Ben, c'est gentil. Ben, c'est un plaisir partagé. Alors, vous, vous êtes déjà voyant médium et surtout, vous avez la faculté de communiquer avec l'au-delà. Oui, en fait, moi, bon, personnellement, c'est mon métier, hein, je suis médium, tarologue, etc. Mm-hmm. Et en fait, c'est venu comment? C'est simple. En fait, il y a quelques années en arrière, j'ai eu la chance, on m'a prêté un bouquin, c'était pour faire un petit peu un nettoyage sur soi, le psychisme, etc. J'ai lu quelques phrases, et puis en fait, je me suis allongé tranquillement sur le lit, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à trembler de partout, à faire de la bulle avec ma bouche, on est en été, hein. Je faisais de la bulle avec ma bouche, moi je me mettais à trembler, j'avais froid. Mm-hmm. Et en fait, sans le vouloir, je me suis retrouvé à avoir comme une liste d'attente de gens décédés, des animaux décédés aussi. Et en fait, ils sont venus les uns après les autres. Et la personne avec qui j'étais quand j'ai fait l'expérience, eh ben, je lui ai donné des prénoms, j'ai eu décrit les personnes. Et en fait, on m'a confirmé que tout était juste, tout était vrai. J'avais des renseignements, des messages pour me donner. Et j'avoue que c'était plutôt flippant parce que je ne m'attendais pas du tout. Parce que quand j'ai fait ce nettoyage, au départ, je l'avais fait juste... c'était pas calculé, hein, c'était venu comme ça, sans que je demande. Et en fait, c'est venu comme ça. Mais comment on fait, Serge, pour communiquer avec des animaux? Ben en fait c'est simple, ce sont des animaux qui viennent à moi, je décris là, bon, je donne la race du chien, etc. Je décris l'animal comme je le vois, chien à poil long, chien à poil court, la marque, la race du chien, etc. Et en fait, on me confirme que c'était bien effectivement ça. Ce sont des chiens qui étaient que les gens avec qui j'ai fait ça, ce sont des chiens qui ont partagé leur vie effectivement. Ah ouais, j'aimerais trop que vous puissiez voir Rasta, mon chien décédé. Rasta, donc mais pourquoi? Je vais pas te demander pourquoi tu m'as appelé Rasta. Je sais pas, j'avais pas d'inspiration, c'était l'année des R, mais elle me manque beaucoup. Enfin bref, mais du coup, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir vraiment pour dire, voilà, mon père est mort, oui, ma mère est morte? Ben oui, on m'a déjà posé la question, effectivement. Ben, il est vrai que je ne peux, par téléphone, c'est pas évident parce que ça dépend sur qui on tombe. Si on tombe sur des personnes fragiles ou pas, on peut pas savoir. Mmh. C'est comme je vous écoutais pour l'histoire de la table Ouija. Moi, personnellement, je vous le dis franchement, si vous le faites, il faut être au minimum accompagné d'une personne expérimentée parce que imaginez-vous si vous tombez sur un esprit farceur, par exemple. C'est dangereux. On ne peut pas savoir. Alors, est-ce qu'on peut vous garder au téléphone pendant qu'on le fera? Ben, si vous voulez, avec plaisir. Ah. Mais il faut savoir comment le faire. Mais Serge, expliquez-nous pourquoi. Et qu'est-ce que ça fait si on tombe sur un esprit farceur et qu'on n'est pas avec un médium? Ben, c'est pas compliqué. Si vous tombez sur un esprit farceur, eh bien, l'esprit farceur peut vous donner des faux renseignements pour s'amuser, tout simplement. Mais pour ça, il faut vraiment ne pas hésiter à poser la question, quitte à l'engueuler, mais insister pour avoir la réponse. Et en général, le farceur vous le dit, oui, je suis un esprit farceur, et il s'en va. Ah, d'accord. Et alors, on est d'accord. Serge, on est d'accord. La question basique, parce que nous, on est un peu débutants en Ouija, c'est bien, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Et après, on attend que ça se passe. Avec le verre. Oui, on peut le faire comme ça, effectivement. Okay. Mais en même temps, il faut, comment dirais-je, il faut être très vigilant. Et si vous sentez vraiment le verre bouger, il faut vraiment vous laisser guider par le verre. Ce n'est pas vous qui guidez le verre, c'est le verre qui vous guide. D'accord. D'accord. C'est important. Est-ce qu'un esprit peut être avec nous au début, partir et sans qu'on s'en rende compte? Ça dépend du temps que vous gardez avec du temps de la séance. Ça dépend. Maintenant, si effectivement, normalement, vous devez le ressentir s'il est présent, vous devez aussi ressentir si vraiment vous êtes concentré s'il s'en va. Mais s'il s'en va, il faut essayer de savoir pourquoi il s'en va. Et s'il reste avec vous, c'est important de le savoir aussi, parce que tout ça, si vous voulez, en fait, tout est improvisé. D'accord. Mais alors, Serge, juste une petite question d'ordre personnel. Quand moi, j'avais fait le Ouija avec mes amis et que le chargeur de Mac avait pris feu, est-ce que ça, vous pensez que c'est vraiment une action d'un esprit qui voulait se venger? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Ah. En général, les esprits communiquent avec nous par l'électricité, parce que tout est électrique. Ah, d'accord. Absolument. Vous pouvez avoir éventuellement une ampoule qui grille, c'est un signe. Vous pouvez avoir effectivement des signes, des manifestations électriques. C'est important. Le studio va sauter, les gars. et Serge, est-ce que, par exemple, si on fait l'Ouija et qu'on est avec un esprit, bon, ben, sympa, pas sympa, bon, ben, voilà, est-ce qu'il peut nous suivre chez nous? Non. En réalité, il peut vous suivre, mais c'est à vous, en fait, de faire ce qu'il faut pour vous nettoyer en partant. Je donne un exemple. Si, par exemple, si on fait ce genre de choses, vous pouvez aussi très bien aller dans un cimetière, par exemple. Il est important, en quittant le cimetière, de vous laver les mains et de ne pas les sécher. Il faut laisser tel que. Ça vous permet vraiment de quitter le lieu et de couper le lieu. C'est important de couper. Oui, parce qu'il faut savoir rentrer en contact. Il faut aussi savoir couper le contact. Donc là, il faudra qu'on se lave les mains après. Oui, il faut vraiment. C'est symbolique. C'est symbolique. Je dis, vous lavez les mains, c'est symbolique. Ou alors, si vous devez rentrer chez vous, passez par un endroit avant d'aller chez vous, dans un café, quelque chose comme ça, allez boire quelque chose. C'est important. Ah bah. Ça vous permet de. On va aller boire des coups, les gars. Les gars, après l'émission ce soir. On picole, on fait des snaps parce que c'est hors de question que si on fait un Ouija, je rentre comme ça. C'est important de marquer la coupure. Il faut casser le verre ou pas? On laisse la bougie au milieu, c'est ça? Et le verre après, à la fin, on le casse ou pas? Vous n'êtes pas obligé de casser le verre. Non, faut pas le casser. Non, vous n'êtes pas obligé de le casser. Par contre, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que vraiment, si vous ressentez une ambiance de bien-être, c'est bon. Si vous ressentez au fond une ambiance de mal-être, et oui, vous pouvez casser le verre. Il faut vraiment casser la séance. C'est important. Il faut vraiment l'éliminer. C'est important. Est-ce qu'il faut être dans le noir complet ou on s'en fout? Le noir complet, pas obligatoirement. Ok. D'accord. Pas obligatoirement. Ok. Pour en revenir, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer par rapport aux esprits farceurs, faut faire attention. Mais si on revient sur la base du sujet sur laquelle je suis intervenu ce soir, donc effectivement par rapport aux décédés, etc., j'ai eu des expériences effectivement qui m'ont été proposées. Oui, j'ai reçu des gens. C'est vrai que je préfère les faire en face à face avec les gens parce que je prends la main des gens et en prenant les mains des gens, justement, je peux capter les choses. Et alors, on va parler d'accident, comment s'est passé l'accident, etc. Et je peux vivre la scène de l'accident et raconter tout ce qui s'est passé pendant un accident, si j'ai eu l'occasion. Je vous en prie. Est-ce que vous accepteriez de venir dans cette émission tester avec nous en direct ou nous montrer vos dons de voyance et aider des auditeurs? Avec grand plaisir. J'ai un monsieur qui était venu me voir, il m'a dit oui, c'était pour ses grands-parents, parce que ils sont partis l'un après l'autre, est-ce qu'ils se sont bien retrouvés? Je lui dis oui. Et après, cette personne m'a demandé justement, savoir ce qu'ils avaient dans leur vie, c'était, de quoi ils vivaient, ces gens-là. Et moi, j'ai eu un lâcher de papillons blancs, et en fait, je voyais des papillons blancs, et il m'a répondu, ils avaient un élevage de lapins qu'on appelait les papillons blancs, je ne savais pas. Ah ouais. Voyez, c'est pour vous dire, c'est symbolique. Moi, j'ai eu cette image, je lui ai dit ce que je voyais, mais il m'a confirmé effectivement. Il y a oui, c'était bien ça. J'ai eu plein d'expériences, il n'y a pas que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder vos shows, tout ça. Vous allez garder toutes vos expériences. On va s'organiser une émission spéciale. Vous allez venir dans ce studio. Moi, j'ai trop envie de vous rencontrer, Serge. Ouais, moi avec aussi. Avec plaisir. Bon. Pas de soucis, avec grand plaisir. Eh ben, on se cale la date très très vite. Je vous cache pas qu'on garde votre numéro sous la main si le Ouija ça se passe pas bien et si on a des questions avant minuit, d'accord? Je vous en prie. Merci, top. Serge. Il fait flipper. Excellente soirée. Non, vous inquiétez pas. Excellente soirée à vous. Et puis, bonne continuation. Bon, et ben merci Serge, on vous embrasse fort et à très vite alors. Hein. Bisous Serge. Je vous en prie, au revoir. Allez, Poutou. Serge, je t'aime. Serge, tu es là. Tu es là, et alors je tiens à dire, j'actualise Twitter, on est à exactement sur le pourcentage. 59% ça a baissé de gens qui disent allez-y, faites-le. À mon avis, Serge, il en a un peu démotivé certains. Ouais, c'est et 41% possible. Qui disent non, fausse bonne idée. Bon, la table est prête. Pour l'instant, vous voulez qu'on le fasse, donc on va le faire avant minuit. Bon, tu sais quoi, on va vous laisser encore quoi? On leur laisse encore 10 minutes. Je sais pas, 5 minutes. Allez, on vous laisse 5 minutes pour voter et on clôt les votes. Est-ce que vous voulez qu'on teste l'expérience de la planche Ouija? Dites-le nous sur Twitter, Marion et Anso, allez-y. Et continuez à nous appeler là, surtout 01 42 48 5000. On parle paranormal ensemble. Vous avez vécu une expérience étrange? On n'a pas encore eu les extraterrestres. Oui, c'est vrai que ça peut être sympa ça. Ça m'intéresse. Vous nous appelez, on parle de tout ça, on se fait flipper. Il est 23h42, on est en direct et on va tester l'Ouija juste après. Carla's Dream sur Fun. Моя флайт-секрет. Шика ухо за интро. Супер амаш. Жди. Я вдруг съм фач прости. Я но спрост. Да ме тем кунва. Ти тини ти мини ти ной. Вентру като виж. Супер амаш. Уоп, ероина. Уоп, ероина. Cos'è non da iubire, beccare la ranita, ti darò. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh. C'est Marion et Anso en mode paranormal et on a Erwin qui nous a appelé au standard là pour nous raconter une expérience. Bonsoir Erwin. Bonsoir les filles. Ça va à Bordeaux? Bah ça va nickel. Alors Erwin, raconte-nous ton histoire. Moi c'était il y a à peu près 4 ans. C'était le jour d'anniversaire de mon grand-père qui est décédé lui donc il y a 15 ans maintenant. On était donc en famille. Pas forcément pour son anniversaire, on s'était retrouvés en famille. Et la sonnerie de la porte a commencé à retentir une fois. Donc au début, on pensait que c'était les enfants de l'immeuble qui faisaient une farce. Sauf que après, ça a continué à le faire 3-4 fois. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, quand on a décidé, enfin, on n'en pouvait plus en fait, on s'est dit, on se demandait vraiment ce que c'était. La photo de mon grand-père qui est sur le buffet pour lui a commencé à trembler en fait et est tombée du meuble face contre terre en fait et là donc on a vraiment commencé à flipper et ma grand-mère par la suite parce que très croyante par rapport à ça est partie voir une voyante et qui lui a effectivement dit que l'esprit de mon grand-père continue à vivre autour d'elle pour au final rester un peu et lui montrer qu'il était là et qu'il a soutenu un peu. Enfin, oh, c'est beau. Je sais pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais d'accord, en gros, donc, il était toujours là. En gros, c'est lui qui sonnait à la porte, quoi. Oui, enfin, c'est lui qui déclenchait la sonnerie pour montrer qu'il était là, quoi. C'est flippant, hein, cela dit, mais c'est plutôt touchant. Mais des belles histoires comme ça, d'esprits qui ont du mal à s'en aller et qui veulent montrer aux vivants qu'ils sont encore là, il y en a plein. Ouais. Donc merci de nous l'avoir raconté, Erwin. Est-ce que tu veux qu'on fasse le Ouija ou pas, toi? Moi, ouais, carrément, parce que moi, j'aimerais le faire un jour, donc moi, je vous conseille. Eh bien, Erwin, ne bouge pas, parce qu'a priori, les gens sur Twitter sont d'accord. Je refais juste un dernier test. Je réactualise. 61-39. 61-39. Donc, ouais. Les gars, c'est acté. Je suis désolée, mais dans un instant, Ouija pour tout le monde. On va essayer d'appeler les esprits. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Hein. Non, et puis, on nous a dit qu'il fallait nous laver après. Ça veut dire qu'on va boire un coup après, les gars. Ouais, ouais. Moi, ça, c'est cool. Bon, bougez pas, les amis, parce que dans un instant, on va vivre un grand moment ou pas. 01-42-48-5000. On essaiera de reprendre du monde au standard parce que ça vous intéresse. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura plein des spéciales paranormales. On va pas s'arrêter là. Allez, on revient tout de suite. Diplo, DJ Snake, Skrillex et les Majors Lazer ont fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena à Paris. Justin Bieber. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Oh, angel said, from soir, le Night Show passe en mode paranormal. Si vous êtes du genre à flipper, bah... c'est dommage pour vous. Mon Dieu, dans quoi on s'est embarqué, les amis. Vous le savez, depuis maintenant une heure et demie, on se fait une spéciale paranormale. Vous avez été nombreux à réagir à l'émission. Merci beaucoup. On peut pas prendre tout le monde. On va essayer d'en reprendre avant minuit, mais on se refera une session, c'est promis. On a eu Serge, le médium, qui nous a donné 2-3 tuyaux sur le Ouija. Ouais. Vous avez voté. Vous voulez qu'on fasse un Ouija. On va le tenter en direct avec l'équipe. Anso est déjà par terre, donc je vais prendre mon HF. Ouais, je vais venir te rejoindre, chérie. On a créé une planche de Ouija sur une planche avec tout l'alphabet en rond. Oui et non, il y a une bougie et puis bien sûr un verre au milieu par lequel on va essayer de communiquer avec les esprits en direct avec vous. Exactement. Alors est-ce qu'on m'entend moi avec mon petit micro? Oui, on t'entend très bien. Bon, alors, déjà j'aimerais qu'on se fasse un petit serment. Qui va participer? Il y a Amir des réseaux sociaux, Enzo du Standard, ouais. Anso et moi, les amis. Vous levez la main droite, personne ne triche. Vraiment, c'est hyper important parce que j'ai envie de voir si ça marche ou si c'était un coup de chance la première fois. Évidemment, évidemment. Moi je le jure, je jure. Moi je jure. Allez. Par contre, je vais me brûler là. Alors. On a la petite bougie, on va donc tous mettre le doigt sur le verre. Tu connais le truc à dire, Marion? Oui, je connais le truc à dire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Moi, je suis prête. J'ai peur, hein. Esprit, esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Pour l'instant, ça ne bouge pas du tout. Ça bouge un petit peu. Esprit, esprit, oh, es-tu là? Oh, si tu es là, manifeste-toi. Oh putain. Non, qui bouge les gars? Non. Alors, je vais vous décrire ce qui se passe. Sur le verre. Ça bouge, mais très très très lentement. Hein. C'est pas un verre non plus qui fait des grands élans. Mais le verre bouge. Mais non. De manière très légère. Mais si, si ça bouge, c'est ouf. Oh non. Et il va... Oh non. Il va vers la lettre... Je suis hyper stressée, les gars. Ça bouge hyper lentement. On va tout vous filmer pour la chaîne YouTube. Mais non, mais. Oh là là! Il va vers la... Non, mais c'est un truc de ouf. Oh c'est là quoi? Là c'est là la lettre N. Regardez mon doigt, comment je le bouge. Mais pas. Moi! Mais je sais, mais moi c'est y pareil. Y a personne, moi, ok. C'est pareil. On sait pas s'il va vers le O ou le N. Mais c'est surtout, le O. Il sort du cercle. C'est le là. O. C'est le O. Bon, oh, il faut le remettre au milieu, non? Comment on fait dans ces cas-là? Non, non, on le laisse faire sa vie, je crois. Hein. D'accord, mais il faut lui poser des questions. Mais alors, ça veut dire qu'il y a un esprit là? Bah, je sais pas. Si c'est un gentil ou si c'est un méchant chat. Esprit, es-tu un gentil esprit ou un esprit malin? Farceur. Si tu es un gentil esprit, va sur le oui. Mais les gars, ça va vers le oui. Ah putain, ça bouge hyper vite. Non, non, non, non, non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Arrête. Oh. Ah non, mais c'est horrible. Mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Tu vois bien qu'on ne peut pas le bouger. Arrêtez, on va pas s'embrouiller. Il y a des gens qui écoutent, on est à la radio là quand même, les gars. Mais non. Bon, là, il est sur le oui. J'ai posé quoi comme question si c'était gentil? Non, déjà, c'est un gentil chat. Je sais pas si c'est un gentil ou un méchant chat. Si c'est quelqu'un qui a vécu sur Terre. Alors, esprit, es-tu... Bah oui, c'est un esprit, t'es con ou quoi? Ouais. Bon, esprit, es-tu mort il y a longtemps? Bon, là, il bouge plus. Hein. Peut-être qu'il aime pas la question. Non. Mais il est déjà sur le... Ah, mais arrêtez, mais moi, j'ai pas envie de jouer. Mais non. Moi. Anso, c'est toi? Mais non, mais c'est pas moi, évidemment que c'est pas moi, tu crois que ça foutre? Mais c'est pas la chaleur de nos doigts qui le fait bouger tout seul, y a pas un délire comme ça? Mais je sais pas, arrête de vouloir trouver un truc scientifique. Pourquoi la chaleur de nos doigts elle bouge quand on pose des questions? Bah, je sais pas, mais là, en fait, le truc c'est qu'il est pas clair là, il va sur rien du tout là. Excusez-nous si vous nous rejoignez, on est en direct, on est sur Fun Radio, on se tente un Ouija, une expérience paranormale avec un verre et un esprit qui est censé communiquer avec nous. Demande-lui comment il s'appelle. Esprit, peux-tu nous donner ton nom s'il te plaît? Non. Oh là là. Oh là là. Ok, le truc va à toute allure. F. Oh là là là là, c'est trop flippant. Le truc va à toute allure, les gars. Non mais c'est non mais non mais c'est pas possible. Ça veut rien dire. N F N ça veut bah FN. Marine Le Pen, tu es là ou quoi? Ça veut rien dire, les gars. C'est quoi ça? C'est la moquerie. Non mais c'est un truc de ouf. Ah non, arrêtez. FMG. Mais FNG. Non mais attendez, je vous promets l'équipe, je sais que vous êtes flippés, personne ne pousse le verre. Ben c'est un truc de ouf, de toute façon on vous filme tout pour la chaîne YouTube, vous verrez, on l'enlève les uns après les autres le verre. FMGK, non mais il y a il dit où? N'importe quoi, il se fout notre gueule. Non c'est le cadavre. Ou alors il est étranger. Il est russe. Demande-lui si c'est encore un esprit farceur. Esprit, es-tu un esprit farceur? Est-ce que tu nous fais des blagues? Oh non. Pour l'instant. Il veut pas dire en fait, il avance pas le dos. Tu vas répondre. Eh, parle-lui pas comme ça, mais là. C'est un truc de... Ah, je... ah non, c'est bon, il va sur nous. C'est pas un esprit farceur. Attendez, les gars, il est 23h56. Je suis pas bien. Je sais pas si vous nous croyez là, vous qui êtes en train de nous écouter. Dites-le nous. Promets, même nous, on y croit à peine. Je me demande encore si quelqu'un de mon équipe est pas en train de me niquer. Non, je te promets que non. Mais. Vas-y, je vous jure que je fais rien. Ouais. Ça marche mieux sans Enzo en plus. C'est un truc de ouf. Bon, il faut lui poser une question là. Mais pourquoi il bouge alors? Par contre, si vous l'enlevez tous le doigt, il y aura plus d'énergie. Esprit, est-ce que tu es un homme ou une femme? Tu es un homme? Si tu es un homme, dis oui. Non, c'est pas un homme, c'est une femme. Est-ce que tu es une femme, Esprit? Peut-être que c'est un trans. Non, il va vers oui. Allez, il va vers c'est oui. C'est une femme. C'est une femme. Ah, c'est bon, les pires. Attends, parce que là, Esprit. Es-tu en lien avec un membre de cette équipe? Ah non, non, non. Désolée, je suis obligée de poser la question, les gars. Hein, mais Non. Bon, bah ça va sur oui, donc. Papy, est-ce que. Papy, c'est toi? Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que. Moi, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, j'ai trop peur. Non, mais tout le monde a perdu des gens ici, ça nous fait hyper flipper, Amir. Il est en train de pleurer là. Attends, Amir, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on demande le prénom? Moi, j'ai envie qu'on demande à l'esprit, pour ceux qui nous rejoignent, on fait un Ouija, qu'on demande à l'esprit le prénom de la personne en lien de cette équipe. Ouais, mais ok, bah d'accord. Bon, bah les gars, on va chialer. Hein. Alors, Esprit, peux-tu nous épeler ton prénom, s'il te plaît? C'est un P. Je tremble, je suis pas bien, je tremble. Je suis désolée, je fais tout tomber, c'est un truc de. C'est un truc de. J'ai les fesses qui tremblent. J'ai les fesses qui tremblent, c'est un truc de malade. Ça va hyper vite là, non? Un E. Un peu, P. Si vous nous rejoignez, on fait un Ouija, c'est un truc de ouf. On est en train de parler avec un esprit, je vous promets, on est que 4, il y a personne qui triche. P-E-L. P-E-L. Pelle. Pelle. Pelle. Pelle. Pelp. Pelp. Mais il se fout de nous, quoi, c'est pas possible. Non, t'inquiète pas, biche, c'est pas toi. Pelp. Pelpi. Pelps. Pelpi. Mais qui Papi. Mais qui a quelqu'un qui s'appelle Pelps? Pelpi. Pelp. Ah non, je sais, c'est un anglais, c'est Philips. C'est Philips en anglais. Non, il reste sur le P, il reste sur le I. Mais ça va hyper vite là. Oh, c'est ouf. Mais ça va sur le P et sur le H. Bon, les gars, attendez. Tout le monde réfléchit. Quelqu'un a un membre de sa famille qui est décédé et qui aurait ses lettres dans son prénom. C'est-à-dire que moi j'ai des gens avec des prénoms. Oui, Yannick parle dans ce micro. Pourquoi on fait pas chaque membre? Genre Marion, il va sur le nom et tout ça et comme ça. Bah parce qu'on est mille, mec. On va essayer de faire ça, mais à mon avis ça ne marchera pas. On est trop nombreux. Esprit. Esprit, es-tu en rapport avec Amir des réseaux sociaux? Tu nous dis oui, tu nous dis non. Ça avance tout seul, hein, je vous promets, c'est pas une blague. Le verre avance tout seul, on vous filme tout. Non, c'est pas déconnant. Non, c'est pas Amir. Mais, je crois que je vais arrêter. Avec Marion. Moi aussi, je vais arrêter. Mais non, parce que j'ai pas envie de savoir, moi, les gars. Je te jure, je vais arrêter. Esprit, si es-tu en rapport avec moi, Marion? Ah non, ça va, c'est sur le nom. Non, mais moi, j'en ai marre, en fait. Il y a Yannick du Standard qui veut absolument savoir, donc on lui demande. Tu veux savoir? Ouais, je veux savoir. Esprit, es-tu en rapport avec Yannick du Standard? Yannick. Il bouge plus. Pour demander. Esprit, tu peux me donner ton nom de famille? Non, on donne pas l'antenne. Esprit, es-tu en rapport avec Yannick? Yannick. Mais non. Je suis désolée, mon pote. Je promets que c'est pas une blague. Yannick, arrête. Je promets que c'est pas une blague. Je te promets qu'on fait rien, Yannick. Hein. Bon, là, pour vous expliquer, il est sur le oui. Mais après. C'est pas des coups. Non mais arrête, Michon, arrête, il pleure. Mais moi je vais pleurer aussi. Oh non, mais pleurez pas. Arrête, mais si, mais parce qu'il me fait pleurer le Michon là. Je suis désolée, mais bon. Non, moi je préfère qu'on arrête. Je veux qu'on arrête. Attends, c'est Yannick qui décide. Yannick, non, c'est ton esprit. Donc est-ce que tu veux qu'on arrête ou pas? Vous pouvez continuer. Maintenant, voilà, je sais que c'est moi. Mais t'as pas envie de savoir quelque chose en particulier? C'est le moment. Enfin, non, c'est hyper glauque, hein. Mais non, on arrête. On arrête, regarde, tout le monde a les larmes aux yeux, on arrête, il est minuit. Tu peux dire à Esprit si on peut arrêter? Esprit, es-tu d'accord pour qu'on arrête là? Vous pouvez dire oui, ça m'arrange. Hein. Mais il bouge plus, les gars. C'est un truc de ouf, je suis pas bien. Ah non, il bouge vers les lettres. Qu'est-ce qu'il veut dire, le coup? P. P, mais il va retourner vers le H. Il y a un truc I. Avec PH. Quelqu'un a un problème de PH neutre? Phil, ça dit à personne, Phil. Pip. Pip. Je suis désolée, mais. Bah, c'était le moment de parler cul, normalement. Pif, pif, pif. Bon. Bon, écoutez, il faut qu'on élucide ça, c'est très bizarre. Esprit, on se moque pas de toi. Esprit, es-tu d'accord pour qu'on arrête là? Oh là là, ça bouge, putain! Ouais, mais il veut pas, y a rien là qui se passe. Bon. Esprit, est-ce que tu peux. Qu'on peut arrêter? Esprit, on peut arrêter ou pas? Si je demande, peut-être. Vas-y. Demande, Yannick. Esprit, est-ce qu'on peut arrêter? Mais ça retombe sur le P. P, bordel. Bon, il y a un message à faire passer, c'est un truc de malade. Non, mais là, je suis vraiment pas bien. Mais moi non donc, plus. Moi non plus. Moi non plus, mais si tout le monde enlève son doigt, je sais que ça bouge plus. Bon, moi je propose qu'on arrête et qu'on se lave. Ouais, ouais, on va arrêter là. On va, Esprit, on va te quitter là-dessus. On a le droit de partir. Si merci d'avoir été là, Esprit. Alors, je sais pas si on a le droit de partir si l'esprit n'est pas d'accord, mais de toute façon, il va falloir le faire parce qu'il est minuit une. Ouais, on va devoir rendre l'antenne. Mais demandez-lui. Hein. Esprit, est-ce qu'on peut partir, s'il te plaît? Esprit, s'il te plaît. Esprit, est-ce qu'on peut partir? Ça bouge plus, les gars. Oh putain, c'est reparti. Mais il repart vers le P, putain. Mais non, mais c'est ça bouge tout seul en plus. Oui, mais oui. Oh là là. Alors. Mais il veut pas. Ils peuvent pas nous laisser, les gars. On est pris en otage par un esprit. Ah, mais c'est un truc de ouf, les gars. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'il est bloqué. Ouais, non, il faut que de toute façon... Il faut qu'on... Moi, je vous laisse, les gars. Est-ce qu'on peut juste appeler Adrien Thomas, s'il vous plaît, qu'il puisse rejoindre le studio? Je crois que même Adrien a peur. C'est Party Fun qui va débarquer dans un instant. Je vous promets qu'on va vous tenir au courant de la suite de ce Ouija qu'on vient d'improviser en studio. Et c'est vraiment hyper... Il y a Amir et Enzo qui n'osent pas lâcher le verre. La sensation est vraiment hyper flippante et je crois pas que je vous conseillerais de le faire chez vous, en réalité. Hein. Ouais, moi non plus, je vous le conseille pas. On va vous tenir au courant, on va appeler Serge aussi pour savoir ce qu'il faut faire, là, si l'esprit n'est pas d'accord pour partir, comment on peut faire. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. On a passé une soirée extrêmement flippante. On vous a tout filmé, la vidéo va être ouf. Soyez là demain sur la chaîne YouTube, j'espère qu'on vous a pas fait trop peur non plus. Faites pas de cauchemars, les gars. Voilà, non. Les esprits, ils viennent pas vous embêter si vous les embêtez pas, globalement. C'est jamais vu un meurtre d'esprit. Pas de panique. Là, nous, on est un peu dans la merde. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que le... Oh putain, et le verre bouge toujours. Hein. Oh là là. C'est un truc de malade mental. Bon, les amis, on se quitte pas là-dessus quand même. Moi, je peux pas arrêter là. Je suis là, hein, je suis là. Ah, t'es où, Michel? Je suis à côté. Moi, je viens pas dans votre studio. Hein. Adrien Thomas, t'es en face. Ah oui, moi je suis dans le studio 2. Hein. Non mais t'imagines même pas, mec, ce qui s'est passé. Hein. Ben c'est pour ça que je vais rester là, hein, du coup, parce que je suis très très très croyant en ce genre de choses, donc voilà. C'est vrai que c'est pas cool parce que lui il reste toute la nuit ici, voilà. À Fun. Enfin, c'est surtout Ludo après qui reste toute la nuit. Ouais, donc mais prenez-le avec vous chez vous, c'est mieux. Hein. En tout cas, sachez qu'on vous embrasse très fort, que vous avez rendez-vous avec Party Fun tout de suite avec Adrien Thomas, et nous on espère vous retrouver demain en direct à partir de 22h. Je voudrais avoir un petit mot d'Yannick quand même qui est hyper perturbé. Bichon, viens voir là. Ça va, parce que toi, je sais que tu penses automatiquement à ton papa, mais ça va, t'es bien quand même. Ouais, je suis bien, mais là, on a posé une question si c'était mon père, il a dit oui. Oh putain. Bon, et écoutez, on va essayer de voir comment on peut faire pour se sortir de tout ça, mais en tout cas, si c'est ton père, c'est un esprit gentil, oui. C'est ça qui me rassure. Hein, oui, moi aussi. Ouais. Bon. Merci, Bichon. On vous embrasse, les petits chats, on se quitte quand même en chanson. Oh, bah, je suis contente d'être là, mais allez. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là! Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Get up, erase the barricade. Party. Party. Fun. Get up, erase the barricade. Dance. Electro. Adrien Thomas. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Mais quelle idée. Ça va à côté? Parce que alors moi, du coup, je suis dans le studio 2. Voilà, je me suis éloigné un petit peu. Attends, mais arrête, tu l'as peut-être sur toi! C'est quoi l'écran? Écoute, non, mon pote, il y a tout qui bug dans le studio. Il y a l'écran qui est mort. Voilà. Bon, et ben, vous avez passé une bonne nuit, je pense. Hein? Moi, je suis très bien dans mon studio 2. Bon, Party Fun ce soir. Martin Solveig, Sam Felt, Lucas and Steve, et puis Cashmere avec Wild Card. Oh mon dieu! Allez, faut arrêter maintenant, hein. Faut partir. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. Fortune and your

radio. Of my